sud et surtout sur l'arc méditerranéen. Et en Corse, les températures ce matin, 9 degrés à Aurillac, 11 à Orléans, 12 à Saint-Étienne, 13 à Lille et à Strasbourg, 14 à Lyon et à Paris, 16 à Nîmes, 18 à Marseille et 19 du côté de Nice. Au meilleur de la journée, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Niort et à Poitiers, 19 à Lille et à Paris, 20 du côté de Saint-Étienne, 21 à Toulouse, 22 à Chambéry, 23 à Lyon, 24 à Marseille, 26 à Toulon et 27 à Nîmes. Et puis la pollution, eh ben c'est nickel ce matin, rien à signaler, tous les indices sont compris entre 2 et 4. Le parquet antiterroriste saisi après le double meurtre d'un couple de policiers hier. Un commandant de police et sa compagne ont été tués à Magnanville, dans les Yvelines, non loin de Paris. Le forcené a d'abord poignardé le mari à 9 reprises devant chez lui avant de se retrancher dans sa maison. Le raid s'est rendu sur place et, faute de négociation, a donné l'assaut. Aux alentours de minuit, l'individu a été abattu. Les hommes du raid ont découvert le corps de la policière et l'enfant du couple de 3 ans en état de choc, mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. Une réunion de crise est prévue à 7h45 à l'Elysée autour de François Hollande, le président qui promet de faire toute la lumière de ce drame qu'il dit abominable. Une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail. La CGT promet une affluence record. 600 cars venus de toute la France convergent vers la capitale. La manifestation partira à 13h, place de la place de l'Italie, pour se rendre aux Invalides. Des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille et à Toulouse. 130 personnes sont interdites de s'y rendre. Le mouvement commence tout de même un petit peu à s'essouffler. Deux raffineries sont encore bloquées. Le trafic SNCF n'est quasiment plus impacté. Comptez 9 TGV sur 10, 7 Transiliens et TER sur 10. Et puis 60% des intercités. Les taxis, en revanche, prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien, mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Étienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais la grève se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol ce mardi. 10 personnes jugées en comparution immédiate hier à Marseille après les violences du week-end dernier. 9 peines de prison ferme ont été prononcées. Un Français a été condamné à 2 ans de réclusion, dont un ferme. Aucun supporter russe ne figure parmi les interpellés. Des mesures ont été prises à Marseille, dont une très rare, prise par la mairie, la fête de la musique, qui est repoussée de 2 jours. Elle se tiendra donc jeudi prochain. Barack Obama attendu à Orlando aujourd'hui. Les 49 victimes de l'attaque dans une boîte gay ont désormais été identifiées. Les conséquences politiques ont été immédiates, comme prévu, alors que la campagne bat son plein aux États-Unis. Donald Trump durcit le ton. Le candidat républicain appelle à suspendre les flux migratoires en provenance des pays qui ont un historique terroriste. Le point sur l'euro, comme tous les matins sur Skyrock. L'Espagne, après avoir dominé son match, s'impose logiquement contre la République tchèque 1-0. La Suède de Zlatan a buté contre l'Irlande, 1-0. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie a tenu toutes ses promesses hier soir. Avantage pour la Squadra Azzurra, 2-0. À suivre aujourd'hui, Autriche-Hongrie à 18h du côté de Bordeaux, avant l'entrée en lice du Portugal de Ronaldo à Saint-Étienne contre l'Islande. CR7, qui compte 125 sélections, s'apprête à battre le record de Luis Figo avec 127 sélections au compteur. Ce bon vieux Luis Figo. Eh oui, merci Rémi pour les infos. On te retrouve toutes les demi-heures pour la suite. À tout à l'heure. Au courant de tout ce qui se passe. Il est 6h01, on vous souhaite une bonne journée. C'est parti pour le morning. Aujourd'hui, c'est mardi. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et bienvenue sur Skyrock, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit. On se réveille ensemble, il est 6h01. Bonjour la France qui se réveille, bonjour l'équipe qui se réveille bonjour, aussi. Bonjour tout le monde. Salut Romano, salut Cédric, je termine la petite défaite de la Belgique. Ah vas-y, je suis triste. Petite défaite 2-0 quand même. Ça fait mal. Hein. J'ai vu le match, vous êtes bien fait défoncer quand même. Ça oui. C'est plaisir de connaître des gens qui perdent parce que nous, l'équipe de France, on gagne 2-1 le premier match, comme ça, les doigts dans le nez. Allez hop. Allez. On va peut-être se faire calmer dès le deuxième. C'est demain, on verra ça demain soir là, contre l'Albanie. Bonjour Cariol. Bonjour. Bonjour Karim. Bonjour. Et bonjour. Salut Romano, prêt pour tes conseils pas chers. Bonjour, oui, prêt. 6h10, on va retrouver le réveil de star à 7h10, les conseils pas chers. Le rendez-vous à ne pas louper pour gagner de l'argent. Le réveil de star aujourd'hui, c'est avec lui là qui est de retour. Allô. Mais je l'ai reconnu, c'est Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Ah, c'est Cyril. Mais oui, on t'a reconnu. Hanouna, d'accord, c'est Cyril Hanouna qui vient réveiller les familles de France dans un instant. Ah, il était déjà venu réveiller les familles, mais un nouveau réveil, tout neuf, tout nouveau, tout beau. Oui, il est de retour. Avec Cyril Hanouna, les stars réveillent les Français. On vous offre 1 500 € aussi dans une heure. Et on va faire plein de choses ce matin, et notamment écouter du son. Et puis saluer tous ceux qui sont là. Bonjour à la bonne couille, à Monsieur Titanium, à l'Albigeois qui vient d'arriver. Bonjour l'Albigeois, Steven, Yo, Bibi, Yanzo, Lekium. Putain, vous êtes déchaînés. Saint-Saint qui nous dit bonjour aussi. Eh bien, vous tombez bien, car je ne vous ai pas dit le plus important. Le plus important, c'est bien sûr le football. Ouais. j'avais cru. Vous entendez, il y a des vrais supporters dans l'équipe. Ouais, ah bah ouais. Ah, il y en a des, il y en a des à fond. Bon, Romano, c'est bien. Je te mets 9 sur 10 comme supporter depuis le début de l'Euro. Ouais. Vraiment, c'est parfait. T'as le maillot de, des bleus. Tu te balades avec des espèces de comment ça s'appelle, des colliers de fleurs, un peu comme à Tahiti. Quoi. Ouais, c'est ça, des colliers de fleurs bleu, blanc, rouge. Ouais, ouais, c'est bien. Des chapeaux. Ouais, c'est je me suis occupé de la déco. Cédric, t'as fait quoi, toi? Bah, il a mis le maillot de la Belgique hier et ils ont perdu. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, je l'avais mis aussi plus de semaine aussi en avant. Ouais, j'ai fait mes stats aussi. Il va falloir le changer d'ailleurs. Et voici la nouvelle, on vous offre ce matin vos places de foot. Alors je vous le dis, allez, dès le début de l'émission, comme ça vous êtes au courant, vous êtes levé tôt. Vous avez le droit de connaître les exclus avant les autres. Les quarts de finale. Et oui, ça monte, ça monte. C'est avec dans le morning, on vous offre pendant 15 jours les quarts, les demi et même la finale. Ce matin, on file vous offrir les quarts, aussi les huitièmes. Ah et ouais. Tout ça, c'est à choper dans le morning ce matin. À n'importe quel moment, je peux vous poser une question, on peut jouer ensemble. Tenez-vous prêts, quart de finale de l'Euro à gagner. Et puis dans un instant, c'est donc Cyril Hanouna qu'on retrouve avec nous pour le réveil de star. You are going very good. Oui, en effet, Cyril. Mais oui, ma petite beauté. Oui, my little beauty. Oh, yeah. I speak English like you, you speak English like me. You speak very, very, very badly. Tu la fermes. D'accord, très bien. Ok. Vous avez vu, je lui ai fait très plaisir. Bon, dans un instant, réveil de star. Comment va-t-il être accueilli? Cyril Hanouna débarque chez Laurent. Allez, on vous prévient, 6h04. Et là, c'est Rihanna. Hi, this is Rihanna. Morning show. And you're listening to Skyrock. Mais oui, Riri, j'ai oublié d'annoncer les places pour Rihanna à vous offrir. Eh oui, dans la roulette. Oh là là, on va faire les cours, on va se marrer, on va apprendre plein de choses, on va gagner plein de cadeaux. Et on va écouter Rihanna et Drake tout de suite avec Work. Work, work, work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me, do me, da, da, da, da, da, da. That's how me better work, work, work, work, work, work. Where you walk, girl, la, la, la, la, la, la. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me, I desert you. No time to have you lurking. You make a walk, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, all my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and everything's wrong. Just get ready for work, work, work, work. You see me, I be work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. And some of that work, work, work, work, work, work. Da, da, da, da, da, da. When you walk out, da, da, da, da, da, da. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets, uh-huh. If I get another chance to, I will never, no, never neglect you. Against you, I just hope that it gets to you. I hope that you see this through. I hope that you see this through. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. I feel why, why, why, why, why, why. It's me, I feel why, why, why, why, why, why. You see me doing my da, da, da, da, da, da. So me by that why, why, why, why, why. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When I care for my ta, ta, ta, ta, ta. Yeah, okay. To get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas trying to end me off, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's in me, I feel work, work, work, work, work, work. It's in me, do my da, da, da, da, da. So me better work, work, work, work, work. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When the cat from my ta, ta, ta, ta, ta. Mm-hmm. Mm-hmm. avec Drake. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté ça pour se réveiller le matin. C'était work, work, work, work, work au boulot tout le monde. Et au boulot, Cyril Hanouna. La dernière fois qu'on avait appelé avec Cyril Hanouna, il a fait la très belle blague du Pakistanais. Ah oui, bah toujours. Oui, Cyril Hanouna qu'on retrouve tout de suite. Alors Cyril Hanouna, évidemment, dans Touche pas à mon poste, mais aussi sur toutes les émissions de D8. Il est partout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est tout à lui. Vous allumez D8, hop, vous tombez sur Cyril Hanouna. Il est là, il vous dit bonjour, il fait salut, c'est Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna. Ah, c'est Cyril Hanouna. Alors Cyril Hanouna qui va réveiller la famille de Laurent, je vous l'ai dit il y a un instant. Vous aimeriez être réveillé par quel membre de l'équipe de Cyril Hanouna pour Touche pas à mon poste, Romano? Bah par lui, parce que c'est le patron. Par lui, parce que c'est le patron, tu lui demanderais de l'argent. Ouais, parce qu'il en a plein. Il a signé un contrat de 50 millions d'euros par an sur 5 ans, donc sur 250 millions. C'est pour ça en fait que tu vois que des émissions de lui, parce que bah, il faut bien qu'il justifie les 50 millions. Ouais. Il va falloir les bouffer les 50 millions. Hein. Donc toi, ça serait par Cyril Hanouna. T'aimerais être réveillé par qui, toi, Cariole? Le magnifique et très beau Gilles Verdez. J'ai mal à ma France. Non, Cyril, évidemment. Cyril, évidemment. Et toi, Cédric? Je sais pas, il n'y a pas une meuf fraîche dans l'équipe. Bah, Enora, Erika Moul. Erika Moul, elle s'appelle. Elle y est plus, là. Ah, y est plus, Erika Moul. Bah là, c'est la fin de saison, elle va se faire virer là. C'est pas Erika Moul? Non, c'est Moulet. Ah, c'est Moulet alors. Erika Moulet, non. Ouais, elle savait encore. Il y a Valérie Benahim aussi. Ah, Valérie Benahim. Et, ouais. Et c'est tout, je crois. Bah, il y a d'autres meufs, il y a Caroline Turbide. Et Caroline Turbine. Ah, connais pas. Alors, Erika Moul, attends, je note parce que moi je vais découvrir un peu l'équipe de Touche pas à mon poste. Alors, Erika Moul, Caroline Turbine. Non, mais Erika Moul, tu peux l'enlever, elle y est plus. J'enlève Erika. Alors, Caroline Turbine. Ouais, il y a aussi l'autre, Clio. Ah, ouais, Clio, elle est pas mal. Clio, c'est soupape ou pas? Non, je sais pas. Clio, je sais pas. C'est sa famille, mais c'est quoi ça, Clio? Je sais pas, ça a pris. Alors d'après ce que j'ai compris, raconte-nous. C'est une meuf qui fait Touche pas à mon sport, l'émission avant avec Estelle Denis. Ah. Et en gros, son travail dans la vie, elle est prof de yoga. Mais accessoirement, elle s'est fait sauter par des footballeurs, donc elle a le droit d'être chroniqueuse. D'accord. Okay. Ah. Un peu comme l'autre qui est également dans Touche pas à mon sport, la Francesca, l'ancienne de Starac. De Star Academy, vous savez, celle qui a les yeux sur les tempes. Oui. Ah. Non mais il décrit, il a raison, Cariole. Elle a les yeux sur les tempes. Et c'est pareil, elle son plus gros travail, c'est de se faire sauter par un footballeur. Non, elle les connaît un petit peu en football, Francesca. Non, mais, ouais, non, si mais, elle connaît un petit peu. Ouais, non, mais elle connaît un petit peu. Mais à la base, la meuf, elle s'est fait attraper par un footballeur. Hein. Ah ouais. Non, la meuf, elle serait pas là. Hein. Ah ben, écoute, Romano vous dit tous les secrets de toutes les stars et il vous tient au courant. Et la star de ce matin, c'est donc Cyril Hanouna. Karim, t'aimerais te réveiller par qui, toi? Ah, moi, c'est la vieille, là, Isabelle Maury Dubosc. Mmh. Non, Morini Bosc. Maury, comment elle s'appelle? J'aime pas quand on se trompe sur le nom des gens, moi, comme ça, là. C'est toi qui dis ça. Mais oui, c'est moi qui dis ça. C'est Morini Bosc. Morini Bosc. Oui. Ouais, enfin, Isa, quoi. Isa, Isabelle. Voilà, c'est ça. Bon, allez, Cyril, quelque chose à dire à Karim? Connard. Merci. Voilà, voilà, merci, Cyril. C'est bien, ça, c'est bien. Bon, allez, c'est parti, on y va. Vous, comment ça va? Bah, moi, ça va bien. Allez, on est parti. Réveil de star. Allez. Le réveil de star. Une star, une star, un appel. On écoute. Et ce matin, donc, Cyril Hanouna réveille les familles de France. Il va réveiller Laurent et la famille. C'est parti. Une star réveille Laurent. Allô? Attention. Allô, allô? Oui? Qui est à l'appareil? C'est qui? C'est Cyril Hanouna. Eh oui. Cyril Hanouna. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va, mon chéri? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Mets-toi tout nu, je vais arriver. Mets-toi tout nu, je vais arriver. Mais t'es pec ou quoi? Tu veux te masser? Eh? Je vous propose des situations, vous me dites si c'est bizarre ou pas bizarre. Oui. Coucher le premier soir, bizarre ou pas bizarre? Pas bizarre. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique sur ma personne? Sur ta personne, que ça. Que ça. Oui, c'est Cyril Hanouna. Je te dis, frérot. Allô, allô. Oui. T'aimes bien le couscous, toi? Ouais, j'adore. Tu le manges avec quoi? Avec la fourchette. Non, c'est vrai, Baba? Baba Rome ou Baba Cool? C'est toi le mec des Nora? Le mec des Nora? Non, mais ça va pas, toi. Non, c'est pas moi, non. Vous êtes sûr? Ah ben oui, je suis sûr, oui. J'adore ça, moi, je joue au scrap tout nu. Ça me permet de réfléchir. C'est bien, ouais, vas-y, profite-en. Ouais. Tiens, on m'appelle le mot compte triple. Ah oui, bonjour, mon compte triple. J'aime bien te faire chier. Ouais, moi ça j'aime bien, mais jusqu'à un certain moment. Hein. Vous pourrez me fracasser la gueule, j'adore ça. Ouais, mais à travers le téléphone c'est dur. T'as envie qu'on vienne toucher chez toi? Non, j'ai pas envie, non. Dommage. Bon. Allez. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'on est cons, sans déconner. Je peux plus voir. Ça, bon, Cyril, tu fais bien de le dire. Hein. Oui. Très bien. Allez, un scrap tout nu, ça vous intéresse? Allez, c'est parfait. Non. Ah bah, si. Romano, allez, ramène les lettres. Eh bah oui. Alors, je vais écrire Skyrock. S-K-A-I. Ouais. R-O-Q-U-E-S. Ah, bah, bravo, Cédric. Voilà, mon compte trip, 58 points. Voilà, ah, là, ça fait bravo, plus de lettres, oui. Et bravo, Cédric, mais tu es très, très, très, très fort. Vivement le premier Scrabble du morning. Et Cyril Hanouna, le retour tout à l'heure, à 8h moins 10. Nouveau réveil de star avec Cyril et Justin, là, tout de suite. Allez, oui. Vous avez vu, c'est comme si on connaissait tout le monde. Ah, ouais, Cyril. Ouais, Justin. Allez, c'est Cyril, Justin, qu'on retrouve tout de suite. Mais Justin T, hein, Justin Timberlake. Ouais. C'est parti pour Mirrors. Gros souvenir de Justin Timberlake. On écoutera le nouveau tout à l'heure, là. Il est 6h13 sur Sky. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. C'est beau, ça rappelle plein de souvenirs. Justin Timberlake sur Skyrock et Mirrors. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand, full of smoke, I can tell you there's no place we couldn't go. Just by trying on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is the space, and now you're home. Show me how to fight for now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. Original, 'cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. On the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here. Justin Timberlake, c'était bien ça, ça rappelle plein de souvenirs, c'était Mirrors. Et le nouveau Justin Timberlake à écouter tout à l'heure sur Skyrock, évidemment, plein de sons pour se réveiller. Un petit Florida, un petit Maître Gims et un MHD. Et un petit tour aux States avec Designer, le son du panda à écouter tout à l'heure. Restez bien dans le coin. On parlera des premières fois aussi d'ici un petit quart d'heure, mais là il est 6h17. Allez, on prend 3 minutes d'avance, on va jouer au jeu de Cédric maintenant. Allez. C'est l'heure de gagner des sous, plein de sous. Vous voulez du cash, parce que ça fait toujours du bien. Ça, vous pourrez vous acheter des trucs, profitez-en. On va répondre à une question de sélection, elle vaut déjà 50 euros et après vous gagnerez 50 euros. Oh, quelle magnifique caisse enregistreuse, Romano, c'est excitant. Ah, magnifique. Ah oui, je vois que tu te

Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité. Dans les rues je vagabonde, je m'évite. Dans les rues je vagabonde, fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Et dans la rue elle t'abandonne. Le morning de Diffoul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est 6h24 sur Skyrock, bon réveil et bonne journée. Tout à l'heure sur Sky, vos places de foot à gagner pour les quarts de finale. Je vous l'annonce en début d'émission aujourd'hui, du lourd, les quarts de finale à gagner. Vous savez qu'on vous offre les huitièmes, les quarts, les demi et même la finale dans le morning. On a tout. C'est entre 6h et 9h, uniquement entre 6h et 9h sur Skyrock. Réveillez-vous avec nous pour gagner vos places tout à l'heure. Les places à choper. Idriss au téléphone avec nous parce qu'on joue. Et on joue avec de l'argent à gagner pour toi, Idriss. Tu aimes l'argent, Idriss? Bien sûr que j'aime l'argent, du foot. Donne-moi de l'argent. Tu veux gagner des sous? Ben j'en ai pour toi des sous, Idriss. Ah, on va se mettre bien alors. Hein. Ah, bah attends, on va déjà commencer par 50 euros. Avec un invité mystère, c'est la question. Je vous ai demandé donc pour être sélectionné pour jouer contre Cédric. Qui était lui? Bah, merci à tous. Merci. Eh oui, Lindsay Coman, il a fêté son anniversaire, il a eu 20 ans. Et ils ont organisé une petite fête, les Bleus, pour fêter l'anniversaire de Lindsay. Lindsay Coman. Kingsley. Putain, j'arrête pas de l'appeler Lindsay. Le jour que j'ai appelé comment? Romano, Sydney aussi. Ouais, ouais, aussi, ouais. Mais ça, c'était dans l'excitation du match, la bière, tout ça. Tu sais, ça a fait des trucs impossibles. Bon, vivement demain d'ailleurs, on va suivre France-Albanie demain soir. Hein. Ouais. Encore une grosse soirée footballistique à suivre en direct sur Skyrock. Bon, c'est bien. Comme d'hab. Ah, évidemment, on compte sur vous. Hein. D'ailleurs, ce soir, on suit aussi les matchs. Hein. Ce soir, on aura le match du Portugal. On est là, tous les soirs. On est là. Attends, je compte sur toi, Idriss. Le Portugal, là, à suivre ce soir. On en reparlera tout à l'heure. Alors, Idriss, 50 euros avec donc la bonne réponse que tu viens de donner. Quoi qu'il arrive, ceux-là, tu les gardes. Tu vas garder au moins 50 euros. Super. Mais il y a plein d'autres chèques à gagner. Ouais. En fonction du nombre de réponses que tu nous auras donné, on multiplie les 50 euros. Voilà. Et ça fait beaucoup d'argent. Mais il va falloir battre Cédric juste avant. Vous aurez 30 secondes chacun. C'est l'heure du jeu de Cédric. On joue. Cédric, il a le potentiel pour faire preuve d'une véritable intelligence. Ah, il est l'heure de le montrer aux amateurs de science-fiction. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Eh oui, Cédric, tu vois, ils le disent dans le jingle. L'intelligence, une de tes principales qualités. Bah oui. Avec, avec l'hygiène. Oh non. Tu trouves pas, Gary? Non, l'hygiène, non, toujours pas. Non, bah non, non plus. Tu vois, tout le monde n'est pas d'accord sur l'hygiène. Sur l'intelligence, tout le monde est d'accord. Oui. Ah, bah c'est sûr, bah il va nous le prouver une fois de plus. Tout de suite avec. J'espère pas pour toi, Idriss. Oh, t'inquiète pas, Idriss, en général, ça se passe bien. On va voir ça. 30 secondes chacun, on commence par Cédric. C'est parti pour ton jeu, Cédric. Avec, tu as quelques questions euro, puis des questions également bac, brevet, pour les examens. Allez, alors, attention, 30 secondes au compteur. Idriss, tu auras la même chose juste après. Cédric, es-tu prêt? Ouais, je suis prêt. Sont faciles tes questions, Cédric. Je vais te regarder là, facile. C'est parti, 3, 2, 1, top question, 30 secondes. Allez, question Euro 2016. Le mari de quelle chanteuse internationale a marqué un but hier? Shakira. Bien joué. Quel est le surnom de l'équipe d'Italie? La Squadra Azzurra. Bien. 2 points. Oh. Question corps humain. Comment appelle-t-on les petits trous de la peau? C'est aussi ton surnom. C'est un surnom à 3 points. À toi, bien joué. Bravo. Il est en train de marquer des points. Et il marque. Comment dit-on barbecue en anglais? Barbecue. Oui. 4 points. Mathématiques, on calcule quelle opération permet d'obtenir un produit? Multiplication. Une multiplication. Ah, toi, multiplication. Non, je l'ai dit avant la fin. Alors, il l'a dit avant. Ah ouais, bien, ça fait 5 points. 5 points. Cinq points. Wow. Comme par hasard contre moi, 5 points. Idriss, je crois que t'es mal tombé en fait. Putain, Idriss, il va falloir aller plus vite. Tu m'écoutes bien, tu réponds vite aux questions. Faut faire au moins 5, puisque t'as déjà donné une bonne réponse juste avant avec Lindsay Coman. Alors attention. Kingsley Coman. Lindsay. La pression. En plus, Lindsay, c'est un prénom de fille. Ouais, bah oui. La pression, 30 secondes pour toi, Idriss. Bon courage, mon pote. 3, 2, 1, top question. Euro 2016, combien de buts a marqué Zlatan hier lors du match contre l'Irlande? Zéro, bien. Surnom des équipes, quel est le surnom des Belges? Les Diables Rouges. Oui, 2 points. Corps humain, combien a-t-on de testicules si l'on est un homme? 2. Bien. 3 points. Traduction, comment dit-on pomme en anglais? Apple. Oui, mathématiques. En calcul, quelle opération permet d'obtenir une différence? Ah, je sais pas. La soustraction. 5-4 pour Cédric. Oui. Cédric a gagné. Non. Mais non. Mais si. Oh, non. Cédric a gagné. C'est pas vrai. Cédric a gagné. T'as l'air triste, Romano. L'enculé. Ah oui. Jamais il a fait 5 points. Non, mais c'est vrai, je crois que c'était une première. C'est possible. Ah ouais, 5 points, j'ai pas souvenir non plus. Pas de bol, c'est tombé sur toi. Eh bien, écoute, bravo. Bravo, Cédric. Ah, ça fait plaisir. Tu as gagné. Bah ouais, ça fait plaisir. Merci. Bon, toi, Driss, tu gardes quand même tes 50 euros. Hein, on te les file, tes 50 euros. Ouais. Et tu pourras en venir jouer quand tu veux. Donc 50 euros et puis le t-shirt Skyrock parce qu'on est bien bon. Ouais. Merci les gars. Et voilà, bonne réponse pour Cédric. 5. Ah, j'ai bien compté. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai une réclamation et les auditeurs aussi, en fait, a dit quel est le mari de la chanteuse. Il a dit Shakira. Et en fait, c'est piqué. Non. Ah ouais, c'est vrai. La question, c'est c'était vrai. Le mari. Non, le mari de quelle chanteuse internationale a marqué un but contre l'Espagne, Carriol. Il faut écouter les questions bien attentivement, les auditeurs aussi. Ouais, parce que tout le monde dit ça. Tout le monde dit la même chose. Oui, moi j'avais compris ça aussi. Ouais, donc Non, mais la réponse, il fallait répondre piqué. Bah oui, parce que le mari de quelle chanteuse. Le mari de quelle chanteuse? Donc c'est Piqué. C'est Gérard Piqué, la réponse. Ce que ça veut dire, mais c'est si. J'enlève un point à Cédric. Et donc vous êtes à égalité, donc tu gagnes. Ah oui. Ah merde, Cédric. Oh là là, qu'est-ce qu'on est déçus. Heureusement que vous êtes bien attentifs aux questions que je pose. C'est bien, vous êtes bien réveillés. Alors, merci les auditeurs. Ça fait. Donc, t'as bien marqué 4 points. Ouais. 4 fois 50, 200, plus la question de sélection, 250 euros. Bip, bip. Oh, on est bien, on est bien. Champion mon frère, champion Driss. Ah mais c'est la question était mal posée. Ah bah non, c'est toi qui as mal répondu. Ouais. Bien vu Carriol, bien vu les auditeurs, les auditrices. Félicitations. Carriol, je t'aime hein. Bah, vas-y mollo quand même Driss. Oui. On s'emballe pas non plus. Je rappelle qu'elle est en couple avec un des membres de l'équipe, je ne dirai pas qui. Non mais c'est de l'amour amical. Ah ouais, très bien. Voilà. Bah surtout elle aussi hein. Donc, elle t'a sauvé la peau là au jeu là. Ah bah oui, bien joué. Allez, 250 euros pour toi Driss, et vous aussi venez gagner de l'argent, rejouera tout à l'heure. On aura même les 1500 euros à 7h à vous offrir. Salut Driss, bonne journée à Bordeaux. Ciao, allez, ciao Driss. Ciao. Ciao. MHD dans le morning de Difool. Skyrock promet ce RMHD. Oh, allez, on se fait un petit afro-trap ce matin. Hein. Afro-trap par 5. Et juste après, vos infos sur Skyrock. Il est 6h29, près 6h30. Les pas, vous reconnaissez les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre. Après que marché, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On fuit ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas de fatigue, paye son test. Le bon qui va gérer mes vêtements. Et marché, ça tue pour les mettre de la hure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Wallé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je dis ça avant même. Appétit, on se marche la boule à tout Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâti appétit, gâti appétit, appétit. Gâti appétit, gâti appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais m'épuiser mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Appétit, la reconnais pas la porte. On se titulaire que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. C'est plus titulaire quand la ligne est restreinte. Ngaté, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ngaté, appétit, ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit, ngaté, appétit, appétit. Ngaté, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gati appétit, gati appétit, gati appétit, gati appétit. HD sur Skyrock avec Afrotrap partie 5. Bon réveil et bonne journée. Vos places de foot à gagner avant 9h du matin. Petite question, hein, y en a qui nous disent comment on fait pour gagner les places de foot, ce qui nous demande générique sur SMS. Eh bien c'est simple, générique sur SMS. Nous te poserons une question tout à l'heure, question footballistique, et puis vous répondrez si vous avez la bonne réponse et que vous êtes le premier ou la première, vous avez vos places pour les quarts de finale à gagner aujourd'hui. Oulala, oulala, la pression monte. Grosse place de foot à gagner avec le Crédit Agricole. On jouera tout à l'heure sur Skyrock. Il est 6h32. On va parler de nos premières fois dans un instant, vos premières fois. Rappelez-vous les bons souvenirs. Ou alors vous l'attendez peut-être encore la première fois, parce que il y en a, y en a qui sont chastes et qui nous écoutent matin. Ah Karim, tu attends la première fois. Oui, toujours. Eh bien écoutez, bon courage à la première en tout cas qui passera là-dessous. Vous nous laissez, bah tiens, vos messages. Rappelez-nous à quel âge votre première fois et avec qui c'était. Vous nous en parlez, puis dans un instant je vous donnerai une info qui fait flipper un chercheur sur les futures premières fois de ceux qui sont encore puceaux, pucelles, vierges, purs. Ou presque. Allez, on en reparle tout de suite. Tenez-vous tout de suite top, parce que tout de suite, c'est plus pour les fruits de mer. Voilà, c'est ça. Merci Romano. Alors, les nouvelles, toutes les infos avec Rémi. On va faire le point sur l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Sur ce qui va se passer aujourd'hui, on va regarder vers le ciel. Encore, hein. Mais si, tu nous fais la météo. Bon. Ça reste perturbé, c'est pas orageux. Super, hein. Non, c'est pas terrible. Sur la moitié nord et principalement dans le nord-est. Encore une fois, ce sera plus agréable dans le sud et surtout sur l'arc méditerranéen. Et encore, c'est un plein soleil par là-bas. Les températures ce matin comprises dans le nord entre 11 et 14 degrés. 13 à Lille, 14 à Paris, entre 12 et 19 dans le sud, 14 à Lyon, 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 16 au Havre, 17 à Brest, 18 à Lorient, 19 à Lille et à Paris, 20 à Bordeaux, 22 à Mâcon, 23 à Lyon, 24 à Marseille et 26 du côté de Montpellier. La pollution, c'est nickel ce matin, rien à signaler. Les indices sont compris entre 2 et 4. C'était à quel âge ta première fois, Rémi? Parlons de choses sexy dès le réveil. Attends, ma mère, elle est pas encore réveillée là? 16 ans, je crois. 16 ans. Qui a été la victime? Une collégienne, quand j'étais au collège aussi. J'avais redoublé ma quatrième, donc. Voilà. J'ai fini le collège un peu tard. Voilà, c'est la fin du collège, j'avais 20 ans. Non, 15 ans et demi. Bon, voilà. Allez, le poids sur l'actu, on parle de vos premières fois dans un instant. C'était à chier ma première fois, j'avais 17 ans, elle en avait 14, message de Dams. Ah ouais, même si ça s'est mal passé, vous nous racontez. Laura a 23 ans. Putain, Laura, t'as attendu, dis donc. Ah ouais, j'espère que c'était bon, moi. Les premières fois, on y revient après les infos et le sport sur Skyrock. C'est parti, à 6h34 déjà. Un drame abominable hier en région parisienne. Ce sont les mots de François Hollande qui convoque une réunion de crise ce matin à l'Elysée. Un commandant de police et sa compagne ont été tués à Magnanville dans les Yvelines. Le forcené a d'abord poignardé le mari à 9 reprises devant chez lui avant de se retrancher dans sa maison. Le raid s'est rendu sur place et, faute de négociation, a donné l'assaut aux alentours de minuit. L'individu a été abattu. Les hommes du raid ont découvert le corps de la policière et l'enfant du couple de 3 ans en état de choc mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. Une enquête a été ouverte par le parquet antiterroriste. Une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail. La CGT promet une affluence record. 600 cars venus de toute la France convergent actuellement vers la capitale. La manifestation partira à 13h de la place d'Italie pour se rendre aux Invalides. Des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille et à Toulouse. 130 personnes sont interdites de s'y rendre. Le mouvement commence tout de même à s'essouffler. Deux raffineries sont encore bloquées. Le trafic SNCF n'est quasiment plus impacté. Comptez 9 TGV sur 10, 7 Transiliens et TER sur 10 et 60% des intercités. Les taxis en revanche prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Etienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais la grève se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol ce mardi. Le début des épreuves du bac demain pour 696 000 élèves de terminale. Ça va commencer comme chaque année par la traditionnelle épreuve de philo. Attention si vous êtes concerné, car les mesures de sécurité sont renforcées en raison du plan Vigipirate. Il faut arriver entre 15 et 30 minutes avant le coup d'envoi, 45 minutes même à Paris, puisque tous les sacs seront fouillés. N'oubliez pas non plus qu'il peut encore y avoir quelques difficultés avec les transports en commun. Barack Obama attendu à Orlando aujourd'hui. Les 49 victimes de l'attaque dans une boîte gay ont désormais été identifiées. Les conséquences politiques ont été immédiates comme prévu, alors que la campagne bat son plein aux États-Unis. Donald Trump durcit le ton. Le candidat républicain appelle à suspendre les flux migratoires en provenance des pays qui ont un historique terroriste. bien. Il va toujours aussi bien, ce Donald Trump. Ouais. Alors, on va parler des trucs un peu plus rigolos, là. L'euro avec les résultats d'abord. Les news du mercato aussi. Ça, c'est le foot. L'Espagne, après avoir dominé son match, s'impose logiquement contre la République tchèque à 1-0. La Suède de Zlatan a buté contre l'Irlande, un but partout. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie a tenu toutes ses promesses hier soir. Avantage pour la Squadra Azzurra 2-0. À suivre aujourd'hui, Autriche-Hongrie à 18h du côté de Bordeaux, avant l'entrée en lice du Portugal de Ronaldo à Saint-Etienne contre l'Islande. Et puis un petit point sur le mercato qui va sérieusement commencer à s'agiter. La question est posée depuis quelques semaines. Où va filer Ben Arfa la saison prochaine? L'équipe croit savoir que Séville est très intéressée, dispose même d'une longueur d'avance sur les autres prétendants. Le milieu offensif des Aiglons est attendu dans les prochaines heures en Andalousie pour entamer des négociations. Ça bouge également du côté de Manchester United. On attend la confirmation pour Zlatan qui pourrait être accompagné par un autre Parisien, à savoir Marco Verratti. Qui partirait du PSG. Qu'est-ce qui vous arrive au PSG de faire partir vos meilleurs éléments? Il arrive quoi, Zlatan? Les Reds seraient tout seul, il veut ramener avec lui Verratti. Les Reds seraient prêts à poser 100 millions d'euros sur la table pour le transfert. Enfin, des news d'Umtiti, le Lyonnais serait en partance pour le Barça, on en a parlé hier, mais attention, rien n'est fait. Chelsea et Arsenal sont également intéressés et pourraient bien faire monter les enchères. Ah bah c'est bien, il a de la chance Umtiti. Fais monter les enchères, gars. Merci pour les infos Rémi, on t'entend tout à l'heure à 7h juste avant les 1500 euros, car dans une demi-heure on vous offrira 1500 euros. C'est tous les matins sur Skyrock, il suffit de répondre Skyrock. 6h38. Le morning de Difool, 6h, 9h, morning show. Avec Difool et Romano sur Skyrock. C'est nous et Romano qui se prépare pour ses conseils pas chers qui arrivent juste après 7h, justement à 7h10 tout à l'heure. Je suis en pleine concentration. Tu es tout excité, non? Ah, mais complètement. Alors, on aura des conseils pas chers euros, mais à 7h10, tu changes de domaine. Ce matin, tu vas coller des amendes aux gens, mais alors, non, pas coller des amendes aux gens, faire une petite quête pour. Non, je vais chercher de l'argent pour réparer un truc. Voilà, pour aider l'État. Ouais, c'est ça. C'est ça, Romano, aide la France ce matin. Là, j'espère avoir ma légion d'honneur, là. Vive Romano, vive la France. François Hollande, si tu nous écoutes, Romano va nous sauver dans un instant. Ça y est, la France est sauvée. Enfin, dans un instant, dans une demi-heure, promis. Je relance l'économie. À 7h10, ouais, la tienne surtout. Ouais, surtout, ouais. Bon, les conseils pas chers, vaut 1500 euros, je vous le disais juste après les infos de 7h. On aura le sondage ou la compile du jour à 6h50, votre horoscope de l'amour à 6h45. Et là, à 6h39, on parle première fois, vous allez voir pourquoi. Il y a un chercheur qui est très très inquiet sur les générations futures et sur leur première fois. Donc nous, ça nous concerne pas, en tout cas si on a déjà fait l'amour. Mm-hmm. Si vous n'avez pas fait l'amour, attention, le chercheur est inquiet, je vous dirai pourquoi dans un instant. Mais avant ça, on vous a demandé vos témoignages pour vos premières fois. Message de Quentin sur SMS. Moi, c'était à 17 ans avec 3 meufs dans une soirée. On a fait ça dans une piscine, après un jacuzzi. Et on a fini dans une Ferrari. Et après, j'ai arrêté de regarder YouPorn. Ah. je croyais qu'il allait dire, après j'ai ouvert les yeux, genre, je me suis réveillé. Bah, c'est à peu près pareil. Bon, merci Quentin. Ah ouais, donc Quentin, tu l'attends ta première fois, d'après ce que j'ai compris. Hein. Oh, Nad qui nous dit que c'était ce week-end avec son meilleur ami. Je regrette car c'était trop nul. Oh, parfois, faut réessayer. J'ai un ami personnel qui, lors de sa première fois avec Cariole, a été très, très, très, très nul. Hein, nul à Cariole. Très mauvais. J'ai failli dire son nom d'ailleurs, mais je vais garder quand même son anonymat à mon ami Chauve. Oui, on va se taire. C'est gentil. Oui, toi aussi, Cariole. Mais il était vraiment nul, zéro, le pauvre. Il y avait quoi? C'était tout mou. Je ne me souviens même plus, elle était ivre morte. Non, mais heureusement qu'elle était ivre morte. Déjà, j'arrive chez elle, chez son mec. Ouais. Le premier truc qu'elle fait, elle fait « Ah, j'ai chaud », elle se met les nichons à l'air. Non, ouais, elle était, quand elle a chaud comme ça, c'est qu'elle est pétée. Elle me fait, tu sais, vous connaissez à peine, elle me fait « Ah, j'ai chaud ». Je fais « Bon, bah ouais. » Elle dit « Ah, j'ai chaud. » Moi aussi, j'ai chaud. Alors, j'avais peut-être même trop chaud, d'où le résultat. Ouais. Bon, vos premières fois, on va mettre tous les messages que vous nous laissez là. À 14 ans, avec la cousine à ma copine de l'époque. Ah, toi, pour la première fois, t'as fait cocu ta meuf pour cousser avec sa cousine. Sympa, dis donc. Eddie Tran qui nous envoie le message. Il y en a 37 aujourd'hui. Souvenir, Eddie. J'avais 14 ans, elle en avait 19, c'était au camping, donc c'était super pour moi. Ah ouais, trop la classe, ça. C'est vrai, t'as 14 ans, tu sors avec une meuf qui en a 19. Tu peux te la péter auprès de toi. Ah ouais. C'est bien, c'est Johan qui nous envoie ça, qui en a 26 aujourd'hui. Alors, moi je me rappelle plus, on était bourrés. Oh, ça c'est dommage. Dimitri qui oublie sa première fois, Dimitri. Ah bah comme moi. Ah bah Cariole aussi, dis donc, c'est étonnant. Hein. Moi c'était il y a plus de 15 ans, j'en ai 29 aujourd'hui, donc tu avais 14 ans, c'est Kaji qui nous envoie le message. Merci Kaji. Moi je ne l'ai toujours pas fait. C'est pas vrai. Ah bah voilà. Alexis, 26 ans, qui nous laisse un message. Mais non. Non Alexis. Bah ça arrive, hein. Ça arrive, oui. Bah oui, la preuve. Il attend la bonne personne. Bah oui. Ah bah oui. Ouais. Dépêche-toi quand même, hein. A priori, galère à la trouver quand même. Bon, on en reparle de la première fois et vous verrez pourquoi ils sont inquiets, les chercheurs. Enfin, surtout un chercheur qui, à mon avis, est complètement amoché. Hein. Ah ouais. Préparez des numéros de famille aussi, on va leur faire un petit truc sympa ce matin. On prépare Un French, French test. Allez, si tu veux. Allez, un French test. C'est parti. Les premières fois, on s'en occupe. Et puis pour le réveil, un petit Florida. C'est parti pour My House. À 6h42 déjà. Le morning de Morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Open up the champagne. Pop. It's my house. Come on. Turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold. Cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go out. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do. Morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down, we don't have to go out. Welcome to my house, play that music too now. Show me what you do now, we don't have to go out. Welcome to my house. Welcome to to my duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow hit the down. Brakes, hit the brakes, we don't have out. To go. Cheers to this. Welcome to my house. C'est ma maison, ouais, c'est sa maison. C'était Florida sur Skyrock. Bonne journée, bon réveil à vous. Voici nos premières fois, les premières fois, les vôtres. Moi, c'était à 13 ans avec une copine à moi. Son prénom commençait par un A. Bah écoute, je n'en dis pas plus. Ok, ah. Bah on garde l'anonymat. Je vous en dirai peut-être plus d'ici quelques instants. Romano, c'était avec une copine à lui. Son prénom commençait par un H. Elle s'appelait l'huître. Ouais, c'est ça. Parce qu'il l'avait rencontrée sur l'île de Ré, qu'elle sentait très fort la marée. Ah ouais, très très fort. Elle méritait son surnom d'huître. Dégueulasse. Un bon plateau de fruits de mer entre les cuisses. Charmante. Oui. Vos premières fois à vous, on en parle ce matin. Ah oui, c'est à la suite d'un cri d'alarme d'un chercheur, en Angleterre, qui tire la sonnette d'alarme. Il s'inquiète pour les générations futures qui n'ont pas encore fait leur première fois. Vous allez voir pourquoi il s'inquiète, le mec est complètement amoché. Appelle-moi E.T. Romano, s'il te plaît. Vous verrez pourquoi dans un instant, E.T. viendra nous rendre une petite visite et va passer un petit coup de fil aux Français. Allez. Vos premières fois. Tiens, à 17 ans pour moi, et c'est aujourd'hui, j'ai 22 ans, et toujours avec le même chéri, et nous avons un petit garçon. Bisous, bisous, Manon. C'est mignon ton message. Ouais. On te fait un gros bisou, Manon. Moi, la première fois, j'espère c'est pour cet été. Ah, c'est Max qui nous envoie un message, il a 17 ans. Salut à toi, Max. Un gros big up. À 20 ans, j'étais bourré. C'était dans une colline. Et c'était une grosse. J'ai même pas joué. Merci beaucoup, Nabil. Ah, bah tiens, dis donc, a priori, ça avait l'air super là. Il y a de bons souvenirs de sa première fois. Ouais. Moi, je l'ai fait trop tôt, j'en avais 12. Ah, bah, c'est ce que tu penses aujourd'hui, Ingrid. Mais bon, quand tu l'as fait, tu devais être contente. Bah oui, sans doute. Mais ouais, à 17 ans, moi, c'était Gaël avec un FDP. Ah, il t'a laissé de mauvais souvenirs, celui-ci. Ah, lui aussi. Ouais. Moi, je l'ai fait au passage de l'an 2000, à 17 ans. Eh oui, monsieur, nous dit Joe. T'es allé dans le nouveau millénaire. En faisant l'amour la première fois, c'est magnifique. Ah bah toi Romano, parle-nous de ta première fois avec la gothique. C'était le 31 décembre, c'est aussi une date un peu particulière. Ah non, on est sortis ensemble mais on n'avait pas couché. Oh pourquoi? J'étais pas un garçon facile. Je sais pas, a priori elle voulait pas trop jouer. Ah c'était plus ça. Alors pourquoi les chercheurs sont inquiets sur les premières fois des générations futures? Eh bien parce qu'ils se disent que les robots maintenant font tout. Et qu'ils ils vont peut-être bientôt faire perdre leur virginité aux futures générations. Ah, allô? Oui, bonjour, E.T. Ah ben non, je suis un robot, moi. Ah, tu n'es pas un robot. Pourquoi j'ai dit E.T. Ou... Ben, je sais pas, ouais. Ben oui, je suis un robot, je lève mon sexe. Oh, oh là. Ah. Après. Je le descends. Vas-y. Je le fais cracher. Oh, oh. Vous imaginez faire l'amour avec un robot? Mais il est fou le chercheur. Qui est-ce qui a envie de faire l'amour avec un robot? Et en plus, ça existe déjà, les poupées gonflables. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Les Français peuvent se déjà dépuceler avec des poupées gonflables. Mais bon, qui a-t-il de mieux que vous, les filles? Ah, c'est gentil. Et qui a-t-il de mieux que nous, les hommes? Rien. Pour partager l'amour. Oh. Ah oui, Titi, moi, le circuit électronique. Mais non, mais quand tu fais peur, tu fais des bruits bizarres. Ah, ma queue. Ça y est, c'est parti. Bon, c'est parti, on file chez les familles, on va faire l'amour du troisième millénaire en direct sur Skyrock. Allez, c'est parti. Le French Test. Le French Test sur Skyrock. Allez, et nous, on file chez les Français. Viens voir, comment je t'appelle si tu t'appelles pas E.T. alors? Robot. Robot, très bien. R2D2. Non. C'est déjà pris, je crois, Cédric. Bah alors, il est bien R2D2. Tiens, je te mets un coup de bras mécanique. Bien joué, bravo, bien joué. Allô, Olivier. Ah. Allô, Olivier. Olivier. Allô. Ah, c'est la femme d'Olivier. Bonjour, madame, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Robot qui est avec moi ce matin. Vas-y, dis bonjour à la dame. Bonjour, madame, je suis le robot. Ah, là, ça y est, il bande. Oh non. Elle est contente, là. Hein. Allô, madame, je dresse immédiatement ma queue mécanique. Hop là. Bah. Non mais je vous disais, il attend de s'inquiéter, l'anglais là. Les Français sont pas prêts pour ça. Non, pas encore, pas peut-être, cela. Peut-être en Angleterre, mais en France on n'est pas prêts. On réessaye quand même un coup. Viens voir, robot. Oui, j'ai une fuite au niveau de la queue. Allô, ah, reviens, Daniel. Allô, bonjour. Oui. La femme de Daniel. Ouais. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous? Vous dites, mais qui est-ce au téléphone ce matin? C'est ça. Bah oui, qui est-ce ce matin? Je vais vous répondre tout de suite. Je suis chercheur, je suis un scientifique. Et je suis avec un ami robot que j'ai fabriqué moi-même. Dis bonjour à la dame, robot. Bonjour, oui. Madame, je suis le robot. Vous aimez bien les... Ah bah alors. La dame a une peur. Bah ouais, on en refait un dernier. Ah. J'aimerais bien trouver une petite copine. Ah oui, vous n'avez pas un grippin ou un mixeur? Pourquoi faire? Bah pour faire l'amour avec. Ah oui. Non, on a une machine à café qui marche mal. Ah, très bien. Ah bah très bien, bah, je te présenterai la machine à café dans un instant. Alors. Je mettrai mon kiki dans ta capsule. Oh ouais, ça fera du lait. Alain. Allô. Oui, bonjour Alain. Ah oui. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis chercheur scientifique et je vous appelle ce matin pour vous présenter quelqu'un que j'ai créé, c'est Robot. Dis bonjour Robot. Bonjour Alain, je suis le robot. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Bah non, c'est pas une connerie, c'est le robot que j'ai créé moi-même. Oh, oui. Là, Alain, attention, je déplie ma queue. Oh, tu as vu comme elle marche bien? Vas-y, dis-lui, robot, je t'aime, tu vas voir. Ah, là. Ah bah, dommage. Oh. Cédric, dis robot, je t'aime. Robot, je t'aime. Ah, attention. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Il a vomi. Double vomi. Il y a un bug électronique. J'ai l'impression que je m'éteins. Oh, mais que se passe-t-il? Et ben voilà. Le robot est décédé. Mais qu'est-ce que t'as fait, Cédric? Ah, bah, t'as encore tout cassé. T'as dit robot, je t'aime et le machin. Eh ben voilà. C'est du beau travail. C'est auto-détruit. Voilà. L'amour du futur sera peut-être avec des robots. Vous l'aurez appris sur Skyrock ce matin. Ça fait rêver. Les nouvelles du futur. Bon, les nouvelles du foot également. Vos places de foot à gagner. Ce sera dans... Ah, bah, on va dire avant la fin de l'émission, comme ça je vais décevoir personne. Voilà, avant 9h. Mais logiquement, dans moins d'une heure, on vous file vos places pour les quarts de finale de l'Euro. C'est à gagner sur Skyrock, les places Kédé Agricole. Et dans une minute, sur Sky, l'horoscope de l'amour et la compile spéciale cancre ce matin. On prépare le bac, allez. Je sais pas chez vous, mais chez nous, personne ne regarde le même sport à la télé. Le grand, c'est le basket, la petite, le tennis, et mon mari, le foot. Le problème, c'est qu'à chaque sport, son abonnement. Pour vous, SFR se réinvente et réunit tous vos sports préférés dans un seul et même abonnement. Jusqu'au 10 juillet, la fibre power avec SFR sport inclus est à seulement 29,99€ par mois pendant un an, puis 39,99€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, engagement de 12 mois, location de la box plus 3€ par mois, détails sur sfr.fr. Avec les offres Trilogie, vous avez 3 bonnes raison de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1 euro de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogie jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection.

killers understand me. Sur Skyrock Designer, on écoutait le son du Panda, le rap US de Designer. On va retrouver d'ici pas longtemps là Mike Posner qui arrive avec Two Copies in Ibiza. Et tout de suite une petite pensée pour tous ceux et toutes celles qui ont passé des examens, qui attendent des résultats. Bah bon courage. Voici tout de suite la compile du jour, les cachettes des tricheurs aux examens. Alors il y a des cachettes à éviter et tricher faut éviter aussi. D'ailleurs heureusement que vous n'êtes pas en Chine les tricheurs, parce que quand tu triches en Chine et que tu te fais choper, tu prends 7 ans de prison là-bas carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais, là-bas ça rigole pas. Ça bigote pas, ouais. Il y a même des policiers qui surveillent les examens. Imaginez, vous passez le bac demain, par exemple, et vous avez une brigade de police qui arrive. Gérard, Robert, avec leur flashball, et Gillette, ouais, qui arrive avec leur flashball et qui vous tire dessus s'ils voient que vous prouvez. Et la bouteille de Ricard aussi pour passer les heures quand même. Ah ouais. Oui, quand même, ça fait partie du pactage. Alors voici tout de suite la compile du jour, les meilleurs endroits ou les meilleurs endroits pour cacher les antisèches. Là, il y a Tobal, là, il nous dit le meilleur endroit pour une antisèche, c'est l'iWatch. Ouais, et ben c'est testé et approuvé par un ami. C'est en 1, le téléphone portable. Ou alors les iWatch, les montres connectées, ou même tout simplement des petits SMS. Et bien que ça marche bien quand on est bien équipé, c'est la cachette des tricheurs aux examens la moins dangereuse. Après, faites comme moi, cassez-vous un bras ou alors faites-vous une tendinite. Moi j'ai une tendinite aiguë, une tendinite sévère à l'épaule, m'a dit le médecin. Ah ouais. Et bien dans ce cas-là, vous avez un bandage, et bien vous pouvez écrire des trucs sur vos bandages ou sur votre plâtre. Ça, ça marche bien, c'est la deuxième cachette pour les tricheurs aux examens. Ouais, parce que le téléphone, il te demande de le poser en... Ouais, de plus en plus. Devant. Ah ouais, ouais. Et ouais, surtout pour les examens officiels. Ah bah surtout, ouais. En 3, tiens, faites une petite simulation, genre vous avez un rhume. Petit antisèche dans le paquet de mouchoirs, faire semblant d'être enrhumé, ça marche pas voilà, mal. Voilà, pendant que tu te mouches, tu regardes tes antisèches. C'est comme ça, hop là. Mais par contre, regardez-les avant de vous être mouché. Oui, avant qu'il y ait de la mort. Vous sinon, vous ne revoyez plus rien. Bon, après, les antichettes écrites sur le corps, et après, tout est dangereux. Hein. La trousse, c'est dangereux. Sous la jupe, les filles, ou sur les vêtements, c'est dangereux aussi. Les feuilles de brouillon, ça, à bannir totalement. Et sinon, les trucs enroulés dans le stylo, collés sur les chaussures, tout ça, ils sont au courant et peuvent vous choper. Donc, les antisèches, faites attention, il faut choisir les bonnes, et si possible, ne trichez pas pour les examens officiels. Ah, ça peut coûter cher. Vous irez pas en prison 7 ans comme en Chine, mais vous pourrez plus passer d'examen pendant 5 ans. Ouais, et c'est 5 ans, c'est la loi. Ah ouais. Et ouais, même le permis, vous pourrez pas le passer. Rien du tout. Allez, on vous accompagnera demain si vous passez le bac, et idem pour ceux qui passent le brevet et tous les autres examens. On pense à vous, il est 6h58, la pub en speed, et Mike Posner juste derrière, avec I Took a Pill in Ibiza, et vos infos avec Rémi, et bien sûr, vos 1 500 € si vous répondez Skyrock. Vous attendez d'avoir un problème de clim pour vous en occuper ? Eh bien, Agathe, non. Bah non, j'ai pris les devants. Voilà. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Agathe est chez Noroto. Et éviter le coup de chaud, c'est facile avec Noroto. Le forfait entretien clim est à 49 €. Et pour seulement 49 €, vous êtes sûr de rouler au frais. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Carrefour Market. Ce week-end, on se fait un pique-nique. Qu'est-ce que vous avez de bon et de facile à emporter ? J'ai ce qu'il vous faut, Michel. Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de 2 paquets de jambon le torchon madrange. Oh, c'est bon, oui, ça. Michel. C'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah bah vous faites les sandwichs alors. Contente, Michel. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 2 x 160 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare si c'est possible. En plus, en ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement gratuit au badge télépéage, valable sur toutes les autoroutes de France. Profitez-en. Carglass répare, Carglass remplace. Offre jusqu'au 2 juillet, conditions sur carglass.fr. Moi je suis content, je chante sur toutes les pubs. Carglass répare, Carglass remplace. Il est 7h du matin sur Skyrock, c'est parti. Le morning de Diffoul, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et qui est-ce qu'on retrouve après les infos? Eh bien c'est Mike Posner. Après les infos, il vaut 1 500 €. Mike Posner avec I Took a Pill in Ibiza. On écoutera du Drake aussi tout à l'heure. Le meilleur son pour se réveiller tous les matins, c'est sur Skyrock. Et vos places de foot également pour l'Euro 2016 avec le Crédit Agricole. On vous les file sur Sky. Vous avez encore des places à gagner ce matin et peut-être même qu'avant 8h ça tombera. Restez bien dans le coin, on vous offre les quarts de finale aujourd'hui. Attention, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale à gagner dans le morning ce matin. Les quarts de finale à gagner pour vous. Vous voulez aller voir les gros matchs, et là, assurément, ce sera les gros matchs avec les meilleures équipes qui resteront là pour l'Euro. On croise les doigts pour les Français. Hein. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Et bonne chance à vous. Bonne chance pour les 1 500 € aussi dans un instant. Et les conseils pas chers de Romano arrivent à 7h10. Oui! On chante chantera les conseils pas chers. J'ai envie de chanter. Allez, ce matin, on va chanter alors. 7h01. Allez, les infos. Rémi, c'est parti. On fait le point sur l'actu, le point sur la météo pour démarrer d'ailleurs. Ouais, bah ça reste perturbé, orageux la météo sur la moitié nord et principalement à l'est. Encore une fois, ce sera plus agréable dans le sud et surtout sur l'arc méditerranéen. Et en Corse, les températures ce matin comprises dans le nord entre 11 et 14 degrés. On a 13 à Lille et 14 à Paris, entre 12 et 19 dans le sud, 14 à Lyon et 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Caen, 18 à Nevers, 19 à Lille et à Paris, 20 à Saint-Etienne, 21 à Biarritz, 23 à Lyon, 24 à Marseille, 26 à Perpignan et 27 à Avignon. Et puis la pollution, c'est nickel ce matin, rien à signaler. Les indices sont compris entre 2 et 4, donc on respire bien partout. C'est bon. Ouais. C'est bien. Les infos. C'est parti. L'actu tout de suite sur Skyrock. Le parquet antiterroriste saisi après le double meurtre d'un couple de policiers hier. Un commandant de police et sa compagne ont été tués à Magnanville dans les Yvelines. Le forcené a d'abord poignardé le mari à 9 reprises devant chez lui avant de se retrancher dans sa maison. Le raid s'est rendu sur place et faute de négociation a donné l'assaut. Aux alentours de minuit, l'individu a été abattu. Les hommes du raid ont découvert le corps de la policière et l'enfant du couple, âgé de 3 ans, en état de choc mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. Une réunion de crise est prévue à 7h45 à l'Elysée autour de François Hollande, le président qui promet de faire toute la lumière de ce drame qu'il juge abominable. Une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail. La CGT promet une grosse influence. 600 cars venus de toute la France convergent actuellement vers la capitale. La manifestation partira à 13h de la place d'Italie pour se rendre aux Invalides. Des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille et à Toulouse. 130 personnes sont interdites de s'y rendre. Le mouvement commence tout de même à s'essouffler un petit peu. Deux raffineries sont encore bloquées seulement et le trafic SNCF n'est quasiment plus impacté. Comptez 9 TGV sur 10, 7 Transiliens et TER sur 10 et 60% des intercités. Les taxis en revanche prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Etienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail mais la grève se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol ce mardi. 10 personnes jugées en comparution immédiate hier à Marseille après les violences du week-end dernier. 9 peines de prison ferme ont été prononcées. Un Français a été condamné à 2 ans de réclusion dont un ferme. Aucun supporter russe ne figure parmi les interpellés. Des mesures ont été prises à Marseille, dont une très rare, décidée par la mairie. La fête de la musique est repoussée de 2 jours. Elle se tiendra donc jeudi prochain. 26,2 milliards de dollars. C'est la somme et que non, va jeudi, sortir. Samedi prochain. Samedi ? Parce que jeudi, c'est le 21, c'est la fête de la musique. 22, c'est vendredi. 23, c'est samedi. Ouais. 23 ? 23. 23. Non, mais normalement, c'est le 21, la fête de la musique ou quoi ? Oui, c'est le 21. Et là, elle est repoussée au 23. Parce que j'ai le 21, c'est un mardi. J'ai bien écouté tes infos. Bah, le 21, c'est un mardi. Non, on est le 14 mardi. Ah oui, tu as raison, excuse-moi. Donc, c'est jeudi 23. Oui, je sais pas pourquoi je me suis embrouillé dans l'histoire. Voilà, c'est pour vérifier si tu étais bien au courant de ce que tu nous racontes. C'était juste, fais gaffe quand même. Le test a été effectué et donc c'est bien jeudi. Oui. 26,2 milliards de dollars, c'est la somme que va sortir Microsoft pour s'offrir le réseau social LinkedIn. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une sorte de Facebook, mais destiné au monde professionnel. Le réseau créé en 2003 revendique 433 millions de membres dans le monde. Le groupe fondé par Bill Gates insiste sur le fait que LinkedIn conservera son indépendance et sa direction actuelle. Et le foot maintenant avec l'Euro. Là aussi, attention Rémi, je suis très attentif aux news sur l'Euro. Je ne me trompe pas. L'Espagne, après avoir dominé son match, s'impose logiquement contre la République tchèque 1-0. La Suède de Zlatan a buté contre l'Irlande, 1-0. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie a tenu toutes ses promesses. Avantage pour les Italiens, 2-0 à suivre aujourd'hui. Autriche-Hongrie à 18h du côté de Bordeaux avant l'entrée en lice du Portugal de Ronaldo. Ce sera à Saint-Etienne contre l'Islande. CR7 qui compte 125 sélections s'apprête à battre le record de Luis Figo avec 127 sélections au compteur. Bien, CR7, il sera de retour tout à l'heure avant 9h. Je ne vous en dis pas plus. Restez bien dans le coin. Et toi, tu te retournes dans une demi-heure, Rémi, à tout à l'heure. Il est bien 7h05 et on est bien mardi, hein, je ne me trompe pas. C'est bien ça. Mardi 14 juin et voici vos 1500 euros tout de suite. 1500 euros à gagner. Aujourd'hui, c'est mardi. Et c'est le morning de Difool. Morning show. En direct sur Skyrock. Bon, on a offert plein de cadeaux, on a fait plein de trucs. On a fêté l'anniversaire de Coman tout à l'heure. Bon anniversaire à Coman, le plus jeune de l'équipe de France. Oui, c'est ça. On compte sur lui pour demain. Je l'aime bien, joueur. Il court vite, lui. Hein. Ah, il va super vite. Ouais. Ah, c'est une fusée. Hein. Il défonce les gens. Oh là là là là, ce Coman, il est fort. Bon, l'Euro à suivre, évidemment, c'est sur Sky avec vos places à gagner tout à l'heure. Je vous ai pas parlé des écrans qu'on vous file. La télé Samsung, ce sera à 7h20. Oui, on vous a dit qu'à 7h20, vous gagneriez votre télé. Elle sera chopée tout à l'heure. Et on jouera à Info au Mytho. Et un petit truc aussi qui va vous faire plaisir, qui va vous faire plaisir à tout le monde. On va parler vacances ce matin. Ah, ça, c'est bien ça. Ouais, un petit peu. Ça approche. Avant 8h du matin, promis, on va parler vacances. Mais avant ça, allez, vos 1500 euros, c'est parti à cette Le jeu des 1500 euros. C'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. 1500 euros à gagner, on ouvre l'enveloppe et on vous offre de l'argent sur Skyrock. C'est simple, on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée. Vous répondez Skyrock et c'est 1500 euros pour vous. Ouais. Hier matin, c'est tombé. On était où? On était dans le 18 hier matin du côté de Bourges à Étrechy. Et c'est Sabrina. Et Sabrina, elle a gagné. Bravo Sabrina. Là, on vous offre 1500 euros. Vous avez vu, j'ai récupéré mon bras. Je peux réouvrir les enveloppes. Oui, ah, c'est impressionnant. Impressionnant, on file à Toulouse. Allez, les Toulousains, les Toulousaines, 1500 euros pour vous. Et la famille tirée au sort et la famille Dos Reis. Chez peut-être des Portugais. Les Dos Reis. Lionel Dos Reis. C'est parti. Allô. Allô, monsieur Dos Reis. Oui. Oui, c'est Lionel. C'est bien Lionel. Lionel, bonjour. C'est Lionel. Comment ça va? Ça va. C'est la radio, Lionel, ce matin. C'est ouais. On est à la radio et on t'appelle pour t'offrir 1500 euros. Oui, ça. Chiche. Quelle est ta radio préférée? C'est la question qu'on te pose pour gagner 1500 euros, Lionel. Ouais, c'est qui? Bah, c'est moi qui te le demande. Quelle est ta radio préférée, Lionel? Si t'as la bonne réponse. Eh, hey, va t'en foutre, c'est qui là? Bah, je te le dis. Quelle est ta radio préférée? Il est monté. Si t'as la bonne, tu gagnes 1500 euros, Lionel. Allez, Lionel, je fais pas yesh. Allez. J'y pensais, ouais. Alors, quelle est ta radio préférée? Je sais pas. Écoute. France Bleu. Oh là là. Et Lionel, trop drôle, et voilà. Eh bien non, c'est la pas blague qui coûte 1500 balles. Dommage quoi. C'est eh ben cher moi, la blague quoi. Je dis respect, 1500 euros la blague. Bravo. Ce n'est pas la bonne réponse bien sûr. C'était Skyrock au téléphone. Je suis désolé Lionel. Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Eh oui Lionel, la bonne blague. Eh oui, il fallait répondre Skyrock. Tu réponds Skyrock et tu gagnes 1500 euros. Oh Lionel. Oh là là. Bon, j'espère que tu te concentreras avec le match des Portugais. On en reparlera tout à l'heure. Ah, vive Portugal. Puisque tu nous feras un conseil pas cher spécial ce matin. Ouais, pas de problème. Spécial Portugal. Ah, vive Portugal. Bon, vive Portugal. Et pour les 1500 euros, bah, ce sera pour vous dans moins d'une heure aussi sur Skyrock. On recommence. Vous répondez Skyrock et pas France Bleuche. Parce que France Bleuche, ça marche pas. Ah non, il donne pas de souche. Bon, bonne journée à toi quand même, Lionel. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Ah, on peut t'envoyer le t-shirt Skyrock. Hein. Là, tu verras que c'est vrai. Vous avez pas les t-shirts France Bleu? Non, pense pas. Si j'en ai un, mais je le garde. Ah, Cédric veut garder son t-shirt France Bleu. Amis de France Bleu, si vous nous écoutez. Petit t-shirt. On vous salue d'ailleurs, nos amis collègues de France Bleu. Vous avez un t-shirt, on l'envoie à Lionel. En plus, avec le t-shirt Skyrock. Et dans un instant, les conseils pas chers. Quelle est l'idée qui a germé dans le cerveau chauve de Romano? Vous saurez tout. Oui. Le morning de Diffoul sur Skyrock. Les shows. Sur le cash. Tout. Après Mike Posner, qu'on écoute tout de suite. I took a pill in Ibiza. Parce qu'on vous envoie à Ibiza, on vous envoie sur les stades de l'Euro et on vous envoie chez les escrocs. Les escrocs, c'est toi qui t'en occupes, Romano. Oui, c'est ça, exactement. Allez, après Ibiza. Et ce matin, on va rendre service à l'État. Vous allez voir, il a promis, il va le faire. I took a pill in Ibiza. To show a Fiji, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. C'était Mike Posner, petit tour à Ibiza sur Skyrock à 7h12 et on va parler d'un truc que vous détestez sans doute, sauf si vous êtes ministre des Finances ou ministre de l'Économie. Eh ouais, Emmanuel Macron par exemple doit adorer. Ah, il adore ça parce que ça fait rentrer des sous dans la caisse. Ah, beaucoup d'argent. Un truc qui vous énerve si vous êtes en voiture. De quoi parle-t-on? Eh ben évidemment, les radars automatiques et les radars tout court d'ailleurs. Romano veut sauver un radar ce matin. Eh oui, parce que du côté d'Argenteuil, oui, avec la montée des eaux, les inondations, un radar, bah la photo elle a tourné partout, c'est ouais, le radar. Oui. Qui est dans l'eau. Le radar, les pieds dans l'eau. Bon, le radar est abîmé. Bah, vous voyez que les inondations, ça a malgré tout eu quand même quelques trucs de bon. Quand ça inonde la maison, t'es dégoûté. Par contre, un radar, t'es plutôt content. 67 500 euros, c'est le prix d'un radar. Non, mais ils se font estanquer. Ah ouais, c'est clair, pour une caisse en ferraille avec un appareil photo dedans. Ouais. C'est le prix d'une voiture. Pas d'une grosse, ah ouais, d'une grosse voiture. Et alors, les réparations, les mecs, ils se gavent aussi. C'est 8010 euros là pour leur mettre en route. Un conseil, ne les réparez pas quand ils tombent en panne. C'est ouais, saloperie, laissez là. Tomber. Ouais, laissez tomber, c'est saloperie de radar. Eh bien, ce matin, je lance la grande collecte pour remettre le radar en service. T'appelles des jardins Argenteuil et tu vas leur demander des sous. Eh ben exactement, c'est ça, c'est les conseils pas chers. Mais t'es sûr que ça va marcher ça? Ben t'inquiète, je sais comment m'y prendre pour appâter le client. Il est fort, mais là ça me semble un peu difficile. Va-t-il y arriver? Voici les conseils pas chers. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Oui. Attention, chanson. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. Alors, c'est parti. Alors, on y va. Où est-ce qu'on va? Paul. Je suis en train de. Tu as vu, je coach Cariole pour qu'elle chante mieux parce que j'ai trouvé qu'elle chantait faux, Romano. Boulangerie Paul Argenteuil, bonjour. Bonjour, la boulangerie Paul Argenteuil. Oui, bonjour, je suis bien dans la boulangerie. Oui. Bonjour oui, madame. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur Lapince de la mairie. Vous savez, je m'occupe des radars automatiques. Oui. Oui, et vous savez, celui qui est sur la D311, si je puis dire, il a les pieds dans l'eau. Celui qui a été inondé. Oui. Je sais pas du tout, monsieur. Je suis en... La boutique, elle est fermée, je sais rien. J'essaie de repos hier. Elle serait ouverte, hein, ça ne changerait pas grand-chose. Oui. C'est un radar qui est passé dans tout. On l'a vu partout dans le monde entier. Le radar, les pieds dans l'eau. Il est tout mouillé. Il était sur les sur le net, partout. Et ce matin, là, on va le remettre en service. On aurait besoin d'un petit peu d'argent, donc on va venir en chercher dans la boulangerie. Ah bah oui, madame. C'est 100 euros par habitant, c'est le tarif applicable. Eh ben oui, eh oui, oui. Donc je viens, de toute façon, là vous n'avez rien à faire parce que vous êtes fermé là. Oui. Oui, bah je vais venir dans 5-10 minutes là. Dans 5 minutes? Ouais, cherchez les 100 euros. C'est sympa, je sais pas. Je vous remercie et la mairie d'Argenteuil vous remercie, madame. Et promis, on viendra pas faire caca. Ah non. Chez Paul. Non, on viendra pas. Non, pas une boulangerie, ça se fait pas. Ah non. Bon bah vous êtes sympa, vous saluez les collègues et mon ami arrive. Eh ben voilà, j'arrive avec ma petite main tendue pour récupérer les 100 euros et aller réparer le beau radar. Oh, qui sera beau. Oh, magnifique. Je le réglerai pour qu'il flashe pas votre voiture, me donnerez votre plaque. Non, je suis pas véhiculé, malheureusement. Ah ben voilà, ah. Bah vous vous ferez pas flasher quoi qu'il arrive, mais vous payez, c'est beau ça. Ça s'appelle la solidarité, madame. Bravo, madame. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Vive la boulange. Préparez une médaille de la mairie d'Argenteuil pour la dame au lieu. Je lui collerai sur le manteau. Hey, je vous conseille d'aller faire un tour de la part de Skyrock chez Paul ce matin. Allez, faire ah un tour. Là, ouais. Chez Paul Argenteuil. On t'embrasse, ma chérie. Merci. Au revoir. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Merci pour ta générosité. Ah, ben 100 euros. Sympa. Non, mais comment tu fais pour réussir toujours tes conseils pas chers? Ouais, mais c'est, je crois que ça s'appelle le talent. Mais ouais, mais tu es talentueux. Il est sur les quais de Seine, Argenteuil, nous demande le Alex. Ouais, je crois. Je crois que c'est celui-là, ouais. Ah, c'est celui-ci. Et ben voilà, un radar réparé. C'est ouf que les gens. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bien. Tu veux pas en essayer un deuxième? Ouais, vas-y, ouais, pas de problème. Parce moi, je peux faire ça toute la matinée. Le truc a marché du premier coup, ça me met sur le cul, quand même, cette histoire. Ouais, mais bon. J'étais sûr que t'allais te faire envoyer bouler, moi. C'est qui, là, qu'on appelle? Là, on va chez Michel. Chez Michel. Allez. Michel, c'est un particulier. Oui, oui, oui. Ok. C'est pas con d'aller dans une boulangerie, d'ailleurs. Non, ouais, en plus, elle était fermée, elle nous attendait, limite. C'est ça. Limite, elle a rien à faire, elle est là pour donner tes 100 euros. Allô? Allô? Allô? Oui, voilà. Bonjour madame. C'est Michel? Bon, écoutez, ça suffit ce jeu-là. Ah, bah écoutez madame, sur un autre ton, s'il vous plaît, je suis quand même monsieur Lapince de la mairie d'Argenteuil. Eh oui? Ah, ça allô, madame? Répondez, s'il vous plaît. La mairie qui vous parle. Je vais venir chercher 100 euros pour le radar automatique. Elle a senti un truc, elle était énervée dès le départ. Elle était au taquet. Les gens sont pas compréhensifs. Ouais, elle voulait qu'on arrête la plaisanterie. Tu mets la flash, elle, la prochaine fois qu'elle passe devant, tu ouais, je mets un double flash. Ouais, avant-arrière. Double flash. Ça, elle paye double. Bon, il est l'heure de retrouver Drake tout de suite. Et juste après, on va jouer ensemble. On va jouer à Info Mytho. Votre télé Samsung a gagné sur Skyrock. C'est pour vous. Après Drake et One Dance. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe. But I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. C'est Drake sur Skyrock, Drake avec One Dance, une découverte Sky. Il est pile 7h20 et à 7h20 on va jouer ensemble. C'est l'heure d'Info Mytho et l'heure de gagner vos télé Samsung. La toute dernière télé Samsung à gagner tous les matins à 7h20. Oui. Parfois à 8h20 aussi sur Skyrock quand ça nous prend. Restez bien dans le coin, vous voulez votre nouvelle télé. Elle est grande, plus grande que Romano. Ah non, pas tout à fait. 101 cm. C'est pas mal quand même. Ah c'est pas mal, c'est déjà un beau modèle. Ultra HD, 4K, TV connectée. C'est la dernière Samsung. Hein. C'est la Samsung qu'on vous offre. Il faut jouer à Info Mytho avec nous. Et la question de sélection, ben la voici, écoutez bien. Et à mon top, vous pourrez envoyer votre réponse. Pas tout de suite, tout de suite. À mon top uniquement. Voici l'info du jour et direction. Bah, tiens, on y était tout à l'heure pour les 1500 euros. Direction Toulouse. Ah, Toulouse. Toulouse. Allez, un homme de 21 ans à Toulouse a été interpellé. On peut l'appeler le taré du week-end. Dimanche, en fin de journée, il était sur un pont.

Morning Dany Morning Dany Fool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh ouais, info mytho, c'est bien, c'est info mytho, découvre plein de dingues. Alors là, le dingue du week-end serait un homme de 21 ans à Toulouse qui aurait été interpellé dimanche en fin de journée alors qu'il était sur un pont au-dessus d'une route. Il s'amusait à faire pipi sur les automobilistes qui passaient. Il est arrivé avec ses packs d'eau, il buvait, il se vidait et sur les automobilistes. Il s'éclatait. Il pissait comme vache. C'est le truc qui l'a éclaté ce week-end. Bon, a priori, il a été placé en garde à vue. Mais cette info que je viens vous donner, est-ce que c'est une info ou est-ce que c'est un mytho? C'est la question que je vous ai posée. Voici tout de suite Vincent, qui était le plus rapide à laisser la bonne réponse. Vincent de Vannes. Allô, Vincent. Allô. Ah, ça va, Diffoul, ça va l'équipe. Ça va, Vincent. Salut, Vincent. Les Vannes, ça nous connaît, tu le sais, Vincent. Hein, ouais. Alors, la réponse à la question que j'ai posée. Info ou mytho, l'homme qui fait pipi? C'est un mytho. Eh oui, c'est un mytho. Et il n'y a pas de lavage gratuit de vos véhicules avec le zizi du monsieur. Oh, dommage. C'est dommage, je sais, Cédric. Et non, c'est juste un mec qui est arrêté à Toulouse, ça c'était vrai. Parce qu'il s'amusait avec les voitures, ça c'était vrai aussi. Mais tout simplement avec un gun de paintball. Ah. Il tirait avec du paintball sur les voitures, ça l'amusait. Oui, c'est vrai que ça peut être dangereux. Ah ouais, c'est comme un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Ouais, c'est bien, le mec a niqué des pare-brises, il était content. Ça n'a pas dû faire rire tout le monde du côté de Toulouse. C'était vers 19h45. Ça s'est passé avenue de la Gloire, si vous connaissez. Et bon ben voilà, ils ont été pris pour cible, les automobilistes, par le jeune homme, complètement bourré, j'imagine, non? Même pas. C'est ça qui est le pire. Ah ouais, c'est bien triste. Un peu amoché alors dans la tête. Bon, c'était un mytho, mais tu as bien répondu, dis donc. Eh ben oui. Tu sais ce qui se passe maintenant, Vincent? Je sais ce qui se passe. Eh ouais, tu vas retrouver d'un côté Romano et de l'autre Karim. C'est donc toi, Karim. C'est moi, c'est mon prénom. Ah, très bien. Karim, Romano, il y en a un des deux qui va te raconter une story qui sera fausse. Il faut le détecter, c'est un faux mytho. Info, mytho, mytho, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux? Alors, Romano, de quoi vas-tu nous parler ce matin? Eh bien, d'une histoire qui se passe au Portugal dans un parc public. Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Et là, les gens étaient extrêmement choqués à l'heure du pique-nique vers midi. Au Portugal? Bacalhau, bacalhau. Bacalhau, bacalhau. Bacalhau, bacalhau. Bon, une femme est arrivée avec sa fille, elle la tenait en main. Problème, c'est qu'elle avait également son mari qu'elle tenait en laisse et le mari est en train de brouter la pelouse du parc dans lequel il se rendait pour pique-niquer. Et la famille va bien. Le monsieur, c'est celui moyen. Qui semblerait le plus étrange. Alors, un monsieur en laisse qui arrive avec sa femme et sa fille. Le monsieur est à quatre pattes, il broute. Ouais, merde. C'est ça. Et la fille du monsieur, elle tient la main de sa maman, normal. Normal. Ils promènent leur papa. C'est bien le seul truc qui est normal. Voilà, à peu près. Ouais. Info ou mytho? Bon, forcément, ça a choqué les gens. Le portugais brouteur, tu vois bien. C'est hein, ça, Vincent. Ouais. Ça, c'est l'info de Romano. Info ou mytho? Oui. Moi, je vais vous parler d'un homme chanceux. C'est un client d'un casino, du casino d'Antibes précisément. Mmh. Il a misé 50 centimes d'euros à une machine à sous et il a remporté 33 923 euros. Tu te rends compte, Romano? Ça fait rêver. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, t'aimerais bien être à sa place. Hein. Ouais, d'ailleurs, 33 000. D'ailleurs, je te cherche, ah ouais. Mec. si tu existes vraiment. Bon, 50 centimes de misé, 33 000 euros de gagné. Ou alors le portugais qui broute, c'est une des deux histoires qu'il va falloir détecter comme étant l'histoire mytho du jour. Vincent. Alors, Romano, info. Le portugais qui broute, info. C'est ça. Et de l'autre côté, le 50 centimes. Moi, j'aurais dit le contraire, Vincent. Mais bon, vous en pensez quoi? Bah, vous allez nous dire la vérité. Bah, ouais, j'en pense quoi? J'en pense que c'est pas bon. Ah, et merde, Vincent! C'est pas bon du tout! Non. Eh, Vincent, il a chié dans la colle, Vincent. Bon, on rejouera à Faux Mytho tout à l'heure à 8h20. Tu pourras rejouer, Vincent, mais tu vas quand même repartir avec ton t-shirt, maillot même. Ouais. De l'équipe de foot que tu veux. J'ai vu le maillot des Italiens en blanc, il était joli hier. Mais sinon, tu prends les bleus. Allez, les bleus! Allez, les bleus! Mais oui, allez les bleus, champion mon frère. Et donc, je prends les bleus. Ouais, tu prends les bleus. Et donc ton histoire, c'était quoi, Romano? Ah non, c'était simplement, en fait, il y avait une petite famille, donc papa, maman et la petite fille. Mmh. Et en fait, il y a des gens qui ont filmé. Il y a la petite fille, elle est en train de jouer. Et pendant ce temps-là, il y a le père, il est allongé sur le dos. Et la mère, elle est sur le père, en train de faire l'amour, tranquillement, dans le parc. Mais avec la gosse à côté. Ouais, la gosse, tu vois, il y a la photo, mais la gosse, elle a même pas 1m2, quoi. Ah oui, elle a quand même la tête tournée, a priori. Et il y a une vidéo, ça a été filmé, j'ai vu la vidéo, c'est dégueulasse. Hein. Eh bien, on va vous la mettre sur tous les réseaux. On vous la met comme ça, vous aurez la preuve que l'histoire de Romano était vraiment fausse ce matin. Ouais. Le mec il broutait pas. Enfin, non. Peut-être non. sa femme, c'est possible. On pas l'herbe. Salut Vincent, raccroche pas en tout cas, puis tu reviens quand tu veux. Ciao Vincent. Ciao Vincent, bon courage. Et dans moins d'une heure, retour d'info mytho à 8h20. Encore une télé Samsung à gagner, c'est pour vous. Et là c'est Justin. Justin Timberlake. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that. sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop, stop. Justin Timberlake et le dernier Justin qui s'appelle Can't Stop the Feeling, un son que vous avez découvert dans le morning sur Sky. Après Justin, qui est-ce qui vient venir nous voir dans un instant? SCH. Ah, on va se mettre à l'eau maman, c'est pour toutes les mamans qui nous écoutent. Gros son de SCH. Si vous connaissez pas SCH, rappeur français qui vient de Marseille et qui a sorti un album qui déchire tout, qui s'appelle Anarchie. Ouais, il y a plein de sons qui tournent sur Skyrock. Bah, pas loué, Champs-Elysées. Ouais. Je te connais. Plein d'autres aussi. Et notamment, Allô Maman, SCH qu'on retrouve dans un instant après les infos. On aura les Fifth Harmony qui arrivent aussi. Du Major Lazer avant 8h. Et puis, je vous l'annonce, allez. Vos places de foot, c'est à n'importe quel moment du morning. On va le faire à la même heure qu'hier matin, là. Avec un peu de la suite des histoires des sélectionneurs. Hier, on vous parlait du sélectionneur allemand qui se grattait le zizi, qui sentait son doigt en direct à la télé. Ouais. Qui s'est gratté le cucu, qui sentait son doigt hier à la télé aussi. Aussi. Des nouvelles des sélectionneurs. Et une question qu'on vous posera pour gagner les quarts de finale. Et ouais, les quarts de finale, c'est ce qu'on vous offre aujourd'hui. Les grosses places pour l'Euro sont dans le morning sur Skyrock. À ne pas louper, ce sera pour vous avant 8h, c'est promis. Et là, c'est Rémi pour les infos. Juste après les infos, on parlera vacances. Bon, c'est pas un temps de vacances aujourd'hui, c'est pas super beau. Hein. Non, c'est pas terrible, hein. Ça reste bien perturbé encore, orageux sur la moitié nord et principalement à l'est. Encore une fois, bien, ce sera plus agréable dans le sud et surtout sur l'arc méditerranéen. Et en Corse, les températures ce matin, comprises dans le nord entre 11 et 14 degrés, 13 à Lille et 14 à Paris, entre 12 et 19 dans le sud, 14 à Lyon et 18 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Niort et à Poitiers, 19 à Lille et à Paris, 21 à Toulouse, 23 à Lyon, 24 à Marseille, 26 à Toulon et 27 du côté de Nîmes. La pollution nickel ce matin, rien à signaler, les indices sont compris entre 2 et 4, on respire bien. Écoutez bien les infos, c'est parti, l'actu pour être au courant de tout, le sport aussi, c'est parti avec Rémi à 7h33. Et la CGT qui promet une nouvelle démonstration de force, journée de mobilisation nationale pour dire non à la loi travail, 600 cars venus de toute la France convergent vers la capitale, la manifestation partira à 13h, place d'Italie pour se rendre aux Invalides, des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille. À Toulouse, 130 personnes sont interdites de s'y rendre. Les taxis prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien, mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Etienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail, mais la grève se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol aujourd'hui. Un drame abominable hier en région parisienne. Ce sont les mots de François Hollande qui convoque une réunion de crise ce matin à l'Elysée dans tout juste un quart d'heure. Un commandant de police et sa compagne ont été tués à Magnanville, dans les Yvelines, en région parisienne. Le forcené a d'abord poignardé le mari à 9 reprises devant chez lui avant de se retrancher dans sa maison. Le raid s'est rendu sur place et a donné l'assaut aux alentours de minuit. L'individu a été abattu. Macabre découverte par la suite puisque les hommes du raid ont retrouvé le corps de la policière qui a été égorgée et l'enfant du couple de 3 ans en état de choc mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. Le Monde affirme qu'il avait 25 ans, qu'il était déjà connu pour sa radicalisation et même déjà condamné pour terrorisme il y a 3 ans. ans. Barack Obama attendu à Orlando aujourd'hui. Les 49 victimes de l'attaque dans une boîte gay ont désormais été identifiées. Les conséquences politiques ont été immédiates, comme prévu, alors que la campagne bat son plein aux États-Unis. Donald Trump durcit le ton. Le candidat républicain appelle à suspendre les flux migratoires en provenance des pays qui ont un historique terroriste. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs du sang, l'occasion pour Skyrock de s'associer à l'EFS, l'établissement français du sang. Plusieurs collectes sont organisées toute la semaine un petit peu partout. Un acte qui prend quelques minutes et qui peut, vous le savez, sauver des vies. Le rendez-vous est fixé à Paris, sur la place des Vins de France, sur la ligne 14. Pour connaître tous les lieux de la semaine, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le jedonnemonsang.net. Sport maintenant avec le point sur l'Euro évidemment, mais aussi du basket avec la NBA, ça jouait cette nuit. Ouais, l'Espagne après avoir dominé son match s'impose logiquement contre la République Tchèque, ça n'a pas été facile, hein. 1-0, le but inscrit dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire. La Suède de Zlatan par contre a buté contre l'Irlande, un but partout. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie a tenu toutes ses promesses hier soir, avantage quand même pour la Squadra Azzurra, 2-0. À suivre aujourd'hui, Autriche-Hongrie à 18h à Bordeaux, avant l'entrée en lice du Portugal de Ronaldo. Ça aussi, match très attendu à Saint-Etienne, ce sera contre l'Islande. Et puis la NBA comme tous les matins sur Skyrock. Cleveland a gâché la fête des Warriors cette nuit. Les tenants du titre pouvaient être champions NBA 2016, mais voilà, ils ont été tenus en échec par les Cavaliers de LeBron James. Score final 112-97. Tout est donc relancé et le match 6 se jouera à domicile sur le parquet de Cleveland. C'est bien, ça fait du suspense tout ouais. Ça. Merci Rémi pour le basket, pour le foot et pour tout le reste. On te retrouve pour les infos dans une demi-heure. Là, il est 7h36, c'est l'heure d'en parler vacances maintenant. Attention, petit problème pendant les vacances, ça vous a arrivé, on en parle tout de suite sur Sky. Le morning de Difool, 6h-9h avec Difool et Romano sur Skyrock. Oui, pour éviter les problèmes de vacances, écoutez bien Skyrock, on va parler vacances maintenant, c'est bien, ça fait du bien, hein. Alors qu'on va taffer, alors qu'il y en a qui sont en train de réviser pour le bac de demain, c'est demain le bac, bon courage les amis. Eh oui. Voici donc le problème du jour, les problèmes de panne sur la route des vacances. À qui c'est arrivé? On aura le pourcentage des Français qui sont déjà tombés en panne sur la route des vacances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi j'ai crevé sur la route des vacances l'année dernière. Ouais, un trou, un de poule, une espèce de machin, la voiture évidemment qui passe dedans, et le bruit, pomme, et la roue, pshh. Et ça, voilà, tous les bruitages, c'est là. Bien relou, surtout quand ça vous arrive la nuit sur une petite route où il n'y a pas de lumière. Et ça, c'est vraiment... tout seul, ouais. Oui, seul, non, j'étais pas tout seul en ah plus. Bon. Ah bah heureusement, autrement je repartais pas, ouais. Ouais, dans la voiture. Alors vous êtes déjà tombé en panne sur la route des vacances, vous pouvez nous laisser vos témoignages, allez-y, et nous on va voir si les Français peuvent nous rendre un petit service ce matin. Est-ce que les gens sont solidaires quand on est en panne, qu'on est loin de chez soi, qu'on part en vacances et qu'on a un problème de voiture? Ah, tu penses que oui, Romano? Oh, bah bien sûr, oui. Je suis pas si sûr que toi, je pense qu'il faut quand même faire un French test. Eh ben on va essayer. Allez, on prépare le French test. Les places de foot, je vous les ai annoncées, elles sont pour vous. On vous offre des places aujourd'hui à Marseille. C'est quand la date du match, Cédric? Le match, les quarts de finale qu'on vous offre ce matin, c'est à Marseille. Et si vous voulez aller voir le match, il faudra être là le 30 juin à 21h à Marseille. Et oui, pour vous, le stade Vélodrome et les quarts de finale à choper, c'est juste après le son de SCH que je vous avais promis. Écoutez bien SCH et on file sur la route des vacances juste après. Et on n'oublie pas non plus notre réveil de star. Il est déjà venu nous voir tout à l'heure. Il revient. Cyril Hanouna sera là. Et oui. Eh ouais. Les stars sont là sur Skyrock. Avant 8h du matin, Cyril Hanouna pour le réveil de star. Et Allô Maman, le son d'SCH tout de suite. C'est ça, Allô Maman, un extrait de son album Anarchie. Une découverte Sky et seulement sur Skyrock. Allô Maman à 7h38. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi je serai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Allô maman, ça va? Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. T'aurais pas. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, j'reçois que des éloges, mais j'dois t'affranchir. parle à la faucheuse. La nuit, je me réveille en nage, sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. J'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. Maman, ça va? Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Pardon. SCH sur Skyrock, c'est pour toutes les mamans qui nous écoutent, pour la mienne aussi, tiens, c'est pour toi, c'était SCH, gros son d'SCH, un gros album. Anarchie à 7h41 et les grosses places pour l'euro avec le Crédit Agricole, c'est tous les matins dans le morning. Dans un instant, après qu'on ait fait notre French test, je pose une petite question sur un sélectionneur. Il y en a qui me disent, oui, je suis sûr que c'est sur Conte, le sélectionneur de l'Italie, qui s'est mis à saigner du nez hier. Eh ben non, ce sera pas sur Conte, le sélectionneur de l'Italie. C'est vrai qu'il a saigné du nez. Vous savez pourquoi il a saigné du nez, Conte, non, hier? T'es content. Alors ouais, pourquoi? Parce que Conte était content. Et oui. Il y a tout, il a marqué, enfin, son équipe a marqué un but. Tous les joueurs qui étaient sur le banc de touche, tous les joueurs qui attendaient, plus ils ont claqué un coup de boule chacun. Voilà, pour fêter ça. Pour fêter, bim. Non, mais ils se sont jetés sur lui, et bon, et forcément. Il a le nez fragile. A priori, ouais. Il a des fragilités nasales. Et ils ont gagné 2-0. Ouais. Alors, ça sera pas surcompté la question, mais dans un instant, vous en saurez un petit peu plus et vous pourrez y répondre pour gagner vos places pour l'euro. Mais avant ça, les problèmes de vacances. Problème de panne pendant les vacances. Vous êtes sur la route des vacances, votre voiture tombe en panne. Moi, je vous ai raconté mon petit problème de panne de roues. Panne de pneus, on appelle ça une crevaison d'ailleurs. Je cherchais le mot, j'ai trouvé. Une crevaison. Il y a pas mal de pannes d'essence. Hein. Et il y a même, attendez, pannes complètement indépendantes de votre volonté. J'ai vu le message de qui est-ce qui est parti en Italie qui nous disait qu'ils s'étaient trompés, les Italiens, et ils avaient mis dans sa voiture du gasoil à la place de l'essence. Attends, je vais te dire. Vas-y, cherche-nous ça, Cariole, parce qu'il y a plein ça de messages. C'est Dandy 69. Salut Dandy 69. Une panne en Italie, le pompiste avait mis de l'essence à la place du gasoil. Pas mal. Je connais un mec dans le sud de l'Italie, s'est fait carotter, les mecs, ils lui ont mis de la flotte. À la place du carburant, il allait et en fait, le moteur s'est arrêté. Ah bah ça arrive. Ah et ça n'a pas pardonné. Eh ouais, ça arrive. Bon, ce matin, on va faire un petit test. Juste avant, je vous donne le sondage du jour. 41% des Français sont déjà tombés en panne sur la route des vacances. Ah ouais, quand même. Ça fait du monde quand même. Ah ouais. Et si ça vous arrive, est-ce qu'on peut compter sur nos compatriotes, les Français? Est-ce que les Français sont solidaires entre eux? Ah bah c'est à peu près certain. Aucun doute. Alors, Romano, t'es vraiment sûr de ça? On va faire le test quand même, le French test. Et on est tombé en panne. On est en panne de quoi? Panne de batterie. Allez, on est en panne de batterie, on n'a plus de batterie, donc on a l'Écosse, on a tout ce qu'il faut, il nous faut juste une autre voiture. Mmh. On va leur demander un petit peu d'aide. Si ça marche, moi je m'en coupe une. Allez. Le French test sur Skyrock. Bon, t'as vu, on n'est pas d'accord, Romano, tu penses que ça va réussir? Non, mais c'est certain. J'ai quand même des doutes là-dessus. C'est parti, chez qui? Là, on va chez Franck. Est-ce que Franck va nous rendre service ce matin? Franck et Sabine. Hein? Et Sabine, sa femme. Ah d'accord, Franck. B n'est pas attribué. Voilà. Bien, c'est bien Cédric, bien joué. T'as bien, bon numéro, t'as bien fait de faire le malin, le mec. Oh là, j'ai les deux prénoms. Trop de détails, ouais. Et il n'y a pas que des voitures qui tombent en panne. Regardez, panne en vacances, en panne dimanche en moto. Tiens, c'est le message de OAI qui nous laisse un SMS. Pareil pour Thibaut qui lui est tombé en panne en moto. Ouais, Michel. Salut Michel. Ah, tu nous entends, Michel? Ouais. Dis voir, on a un petit problème, on est tombé en panne de batterie là vers chez toi. Tiens, on a les pinces. Est-ce que tu pourrais amener ta bagnole pour qu'on la redémarre? Même monsieur la pince. Et c'est qui exactement? On est des inconnus. Moi, je m'appelle Jean-Louis. Oui, moi c'est Gérard, on passait dans la région parce qu'on descend, on part en vacances, on est dans le coin puis là on a notre voiture, plus de batterie. À plat. Alors on est bien con avec nos cosses, avec nos trucs. Les pinces, c'est un crocodile. C'est cosse que ça se dit. Je sais pas. Ouais, moi, j'appelle ça des pains. Tu peux venir avec ta bagnole? Nous, on la pousse jusqu'à devant chez toi, la nôtre, et puis on met la batterie, puis voilà. Puis tu nous mettras le café. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Ah, bah voilà, bah vas-y, on pousse la bagnole jusqu'à chez toi. T'avais raison, ça marche. Les Français sont gentils. On peut pas te prendre ta batterie, ça serait plus simple à la limite. Mais bien sûr. On va te prendre ta bagnole du coup. Ouais, direct. Ah bah oui. Et puis ta femme, parce qu'on avait pas de gonzesse. Ouais, c'est con de partir en vacances sans gonzesse. Bah ouais, ouais. Bon, bah écoute, t'es gentil comme tout. Ah, bah merci, Michel. De rien. I love you, Michel. I love you. Bisous. Kiss. Big kisses, Michel. On arrive très vite avec d'autres belles voitures. Kisses en humain. Ah oui, à tout de suite, Michou. Salut, Michel. Michel. Eh ben voilà. Eh ben t'avais raison, Romain. Ah, il n'y a plus qu'à t'en couper une. Et... Ah oui, merde. Sortez le couteau. Ah merde, j'ai dit une connerie. Faut que l'on coupe une. Ah ouais, ouais. Eh ben ça a marché. Je pourrais la manger. Dégueulasse. Mais c'est pas mes couilles qu'il faut manger, c'est les couilles de bœuf. Oh ouais, hein. J'adore. Bah écoute, chacun son truc, Cédric. Bon, je vais les garder, tout compte fait. Ouais, du coup, on garde les deux. Et on va vous poser la question footballistique. C'est l'heure de gagner tout de suite les places pour l'Euro. Vous voulez l'Euro, vous voulez les quarts de finale. Ah oui, ça monte la pression. Hein. On vous offre les quarts ce matin sur Skyrock. Voici la question du jour. Hier, on vous parlait du sélectionneur allemand Joachim Löw. Ouais. Löw. Parce qu'il y a umlaut dessus. Umlaut, c'est un très marrant. Umlaut, ah ouais, ça me rappelle les cours d'allemand. Il y a umlaut sur le exact. E. Donc sur le O, ça fait un E. C'est Joachim Löw. Alors hier, Joachim Löw, on a appris qu'il s'était gratté le zizi qu'il avait senti, qu'il s'était gratté le cucu qu'il avait senti. Aussi. Ouais. Eh bien, il a d'autres vidéos qui tournent sur lui. Et alors, si vous connaissez moi j'en ai deux en fait, hein. Une des deux aventures de Joachim Löw, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi est-il célèbre en vidéo? Encore des trucs dégueulasses. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de dégueulasse, Löw? Vous avez la bonne réponse, vous nous laissez tout ça au 41-759. Et si vous l'avez pas, cherchez un truc. Il y a un autre truc qui s'est senti. Et puis un truc qu'il a mangé. Miam miam. Alors ça c'est. Vous avez vu, la question est sympa parce qu'il y a deux bonnes réponses possibles. Alors qu'est-ce qu'il a pu sentir et qu'est-ce qu'il a mangé? Et tout ça devant les caméras. Lui fait tout devant les caméras, Joachim. Et bon appétit, bien sûr. En effet, bon appétit. Good appetit. Ben oui, mon ami appétit. Joachim, si vous avez la bonne réponse, il me faut une des deux bonnes réponses. Hein. Vous y allez, 41-759. Sur l'appli Skyrock aussi, vous nous laissez vos réponses. Et si vous êtes le premier ou la première, vous allez à Marseille le 30 juin pour assister au quart de finale de l'Euro. Les places sont à gagner grâce au Crédit Agricole. On vous file les places Crédit Agricole sur Skyrock. Et dans une minute, on retrouve l'horoscope. Hello les filles, c'est Sananas. Vous en avez marre d'attendre le soleil? Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-up Bar, de super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat, un teint californien et les conseils qui vont avec. Moi, je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? À votre tour d'être si heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Allez, 7h48, c'est l'heure de l'horoscope de ce mardi sur Sky. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et voici les puissances amoureuses de tous les signes. On va commencer par ceux qui sont en haut de l'affiche. Les béliers, les gémeaux, vous avez 5 sur 5. Puissance amoureuse de son maximum aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous en amour, c'est... tout. Vous aurez tout ou presque ce que vous voulez. Vous êtes au top de l'amour. Bélier, Gémeaux, 5. Bien joué. 4 sur 5, c'est super aussi pour nos amis Lion, nos amis Balance. Vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui. C'est une bonne journée pour dévoiler vos sentiments si vous êtes célibataire ou pour montrer à la personne que vous aimez que vous l'aimez très fort aujourd'hui. N'hésitez pas à lui dire, ça lui fera plaisir. 3 sur 5, les Capricornes et les Verseaux. On est dans notre coin aujourd'hui. On a plein de trucs à faire, mais ça ne nous empêchera pas de séduire. Les Capricornes et les Verseaux, séducteurs, séductrices pour vous aujourd'hui. Une bonne journée aussi. Vous avez 3. Très bien ça. 2 sur 5, les Sagittaires et les Poissons. Rien ne va assez vite pour vous, mais attention, ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous êtes un petit peu trop impatient et impatiente. 1 sur 5, les Scorpions et les Taureaux. Vous, aujourd'hui, vous avez envie de dire franchement à ceux qui vous entourent ce que vous pensez. Attention à ne pas les blesser, parce que vous n'êtes pas super diplomate là-dedans. Hein, les Scorpions et les Taureaux, 1 sur 5. Et pour finir, les Cancers et les Vierges. Bon, c'est un petit peu le bordel dans votre tête. Mettez de l'ordre dans vos affaires de cœur et vous vous sentirez un petit peu mieux ensuite. On règle ses affaires, on se sent mieux après. C'est pour les Cancers et les Vierges. Et dans un instant, instant, on saura ce que Joachim Löw, l'entraîneur allemand, bonne équipe d'Allemagne, d'ailleurs la Mannschaft cette année encore. Hein. Ah ouais, 2-0 déjà. Qu'est-ce qu'il a encore fait de dégueulasse, Joachim Löw? Quelques vidéos sur lesquelles on est retombé, on en reparle tout de suite et vous gagnez vos places pour les quarts de finale de l'Euro. Et puis notre star du matin, c'est Cyril Hanouna. Allô, allô? Oui, Cyril, il est connecté. C'est bon, on est là. Je crois que c'est lui, hein, il est connecté. C'est Cyril Hanouna. Oui, on t'entend, Cyril, on arrive. You are going very good. Oui, on va très bien, c'est ça qu'il voulait dire. Peut-être. C'est ouais. ça, je crois, oui. Bien, merci, Cyril Hanouna, il arrive, le réveil de star sur Skyrock. The morning show. It's been harmony. The morning show on Skyrock. Et oui, le morning sur Skyrock. Oui, qui est à l'appareil? Les Fifth Harmony. Bon, Cyril. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up the picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand. But you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't spend these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby. Make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. I'm gon' juice, she finesse. I fight books, she take that. Put in overtime on your body. Work from home sur Skyrock, on écoute le son des Fifth Harmony, les Fifth Harmony sur Skyrock. Et avec nous Cyril Hanouna qui arrive dans un instant, mais tout de suite Laetitia. Oh Laetitia, je crois qu'elle en a de la chance d'être avec nous ce matin. Bonjour Laetitia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Laetitia. Qui est à l'appareil? Cyril, Laetitia. C'est Laetitia. Hein. Laetitia. Ah oui. Laetitia. Ouais. Alors, je suis vraiment trop contente de vous avoir depuis le temps que je vous écoute depuis que je suis ado, toute petite. C'est bien Laetitia, tu es grande maintenant, tu as 26 ans je crois. Ah. Oui, ça y est, j'ai grandi depuis. Et tu as la réponse à la question qu'on a posée, c'était sur Joachim Löw, une des stars de cet Euro. Ah oui. L'entraîneur allemand avec la coupe de Mireille Mathieu, vous savez, la vieille chanteuse des années 70. Ouais. Et lui, il a gardé la coupe. Ah, putain. Eh bien, Joachim a encore fait des siennes. Après s'être senti le zizi, senti le cucu hier ou avant-hier, ce week-end en direct à la télé, on a retrouvé des vidéos de lui. Alors, il mange des trucs et il se sent des choses. Alors, on a posé la question. T'as deux bonnes réponses possibles, Laetitia. Et ouais, en fait, c'est un gros bouffeur de crottes de nez. Oui, si, si. Il s'est fait choper par les caméras en train de gratter le nez, puis quelques secondes après, mètres. Et plusieurs fois. Bon appétit, bien sûr. Et il l'a fait plein. Il avait très faim. Ah ouais, ouais. C'est, bah oui, il avait faim. C'était le petit casse-croûte pendant le match. Ça creuse le foot. Il est super, mais c'est un gros dégueulasse, lui. Ouais, et encore pire, hier, il a été filmé à l'entraînement. Il a recommencé. Il a refait pareil, il s'est gratté le cucu. Bah, il a peut-être des verres. Hein. Et il est parti ressentir encore. Oui, oui. Oh là, j'ai mangé trop de choucroute. Oh là là. Ça me fait mal au cul. Donc oui, il mange ses crottes de nez, notre ami Joachim Leve. Il te permet de gagner tes places pour aller à l'Euro. Ouais, quart de finale. Bravo à Marseille. Vous savez, j'ai pour les avoir parce que le tirage au sort ça a même pas marché. C'est pas vrai. Trop contente. Hein. Oui, je sais. Ah, ouais. Il y a plein de monde qui s'est inscrit et il y avait peu d'élus. Hein. Ouais. Eh, ouais, pour les places. Ça, ouais. Je suis vraiment trop contente. Surtout les places pour les quarts de finale. Les quarts de finale de l'Euro, ils sont pour toi. Tu vas y aller à Marseille. Eh bah, ouais, le 30 juin. Ouais, et à Marseille. Je t'ai pas dit, mais t'en as deux des places, bien sûr. Les places, bah oui, c'est mieux. Offertes par le Crédit Agricole sur Skyrock à gagner tous les matins dans le morning. Soyez là. Ça peut être à n'importe quel moment du morning, même si on l'a fait deux jours à la même heure. Mais on ne sait jamais. À n'importe quand, ça peut nous prendre. Ouais. Bravo Laetitia, deux places pour les quarts de finale. C'est sur Skyrock. Merci c'est pour beaucoup. Toi. Hein. On te fait un bisou. Tu aimes bien Cyril Hanouna? Ouais, ouais. Il chante. Ouais. Il bouge trop à la télé. Oh là là. Il bouge dans tous les sens. Oh là là. On dirait qu'il est monté sur des ressorts. Cyril Hanouna qui arrive. Il va faire allô. Allô, allô. Oui, bien, Cyril. C'est l'heure du réveil de star. Bisous, Laetitia. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bonne journée, au revoir. Réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Eh ouais, on écoute Cyril Hanouna. Cyril Hanouna. Ne touche pas à mon poste ce matin. C'est donc Cyril qui va réveiller les familles de France et la famille de Didier ce matin. Tout à l'heure, il a réveillé un Laurent. Maintenant, c'est l'heure d'un Didier. Allez, Didier, Cyril Hanouna, c'est la rencontre. Alors, on l'a réveillé. Qu'est-ce que ça a donné? Voici tout de suite. Et comme tu le dis, la belle rencontre, le match de ce matin. Cyril Hanouna d'un côté, Didier de l'autre. Ça sonne. C'est parti. Allô? Allô, allô? Oui? C'est Cyril Hanouna? Oui. Oui, d'accord. Comment ça va? Très bien. Est-ce que vous êtes célibataire ou en ouais. couple en ce moment? Là, je suis à l'église, là, mais bon... Voilà, c'est pourquoi ça. Je prie. T'habites où? Je habite à l'église. Mets-toi tout nu, je vais arriver. Oui. Tu veux te masser? Oui, ça fait plaisir. T'as envie qu'on vienne tous chez toi? Bien sûr. Je vous propose des situations. Vous me dites si c'est bizarre ou pas bizarre. Oui, d'accord. Coucher le premier soir, bizarre ou pas bizarre? Pas bizarre. Évidemment. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique sur ma personne? Non, pas encore. Vous pourrez me fracasser la gueule, j'adore ça. Ok, avec plaisir. Alors, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait une photo de votre zizi? Pas encore, non. Pourquoi? Je le vois tous les jours, j'ai pas besoin de prendre en photo. C'est vrai. T'aimes bien le couscous, toi? Oui, bien sûr. Tu le manges avec quoi? Je sais pas, du mouton, des légumes, des carottes, j'en sais rien. J'adore ça, moi, je joue au scrap tout nu. Ah ouais? Ça me permet de réfléchir. D'accord. Chacun a ses... Tiens, on m'appelle le mot compte triple. Le mot compte triple, d'accord. Vous allez voir, il y aura peut-être un truc à sucer. Ouais, merci d'avoir appelé. Wallah. Je m'en balèque. À bientôt. Qu'est-ce qu'on est con, sans déconner. Excuse-moi, Cyril, c'est Cédric de Skyrock. C'est vrai que c'est un enregistrement. Hein. Oui. Ah, pardon. Ah, bah oui, ah bah, la nuit n'est pas là, tu as bien remarqué. Oh, moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle va sucer. Bah, tu l'appelles, tu lui demandes. Si tu veux, tu peux te faire une partie de Scrabble à poil aussi. Ouais. Ouais. Oh, ouais, vas-y. Il était marrant, ce Didier, dis donc. Bah, ouais. Didier, son couscous, Cyril Hanouna, le réveil de star. Merci. Son église en train Cyril. De prier, le bruit des cloches. Oui, le mec habite à côté d'une église. Il a l'impression d'habiter dedans. Ouais. Ouais. Bon, pour le réveil de star, en tout cas pour ce réveil de star. C'est géré avant 9h. Retour de Cyril Hanouna avec une nouvelle famille. Il est déjà 7h58. On prépare les infos. Thierry Mix s'en occupe. Et puis vos 1500 euros. 1500 euros à gagner si vous répondez Skyrock. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric. Je suis à la journée mondiale des donneurs de sang et je viens de rencontrer Malika. Alors Malika, on est sur Skyrock, tu peux nous dire pourquoi c'est important de donner son sang? Bah, c'est important de donner son sang parce que ça sauve des vies. Comme tu le sais, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir sauver des vies, sauf si on est médecin ou pompier. Et bah là, c'est un geste simple. Quand on donne son sang, on sauve des vies. C'est vrai que vu comme ça, merci Malika pour ton témoignage. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Chez Intermarché, les promos vont droit au but. Les deux Dolce Pizza 4 fromages Sodebo sont à seulement 7,96€ avec en plus 50% en avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère.

c'est le morning de Difool. The morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est 8h03 sur Skyrock. Comme promis, dans un instant, vos 1 500 € à gagner. On prépare les conseils pas chers. Enfin, c'est Romano qui s'en occupe à 8h10 tout à l'heure. Et conseils pas chers, rapport avec l'euro. Ah, très bien. L'euro, une mine d'or pour toi, Romano. Ah, bah, c'est la folie, un bon business. On a bien fait de l'organiser en France. Ouais, c'est bien ce truc. Bon, comment gagner de l'argent avec l'euro? Vous allez pouvoir en profiter. Les places de l'euro sont tombées. On vous les a offertes il y a quoi? Il y a 10 minutes. Ça tombe tous les matins entre 6h et 9h. N'oubliez pas, tiens, en parlant d'euro, on vous offre également vos écrans. La télé Samsung, allez, on en remet une en jeu tout à l'heure à 8h20. On rejouera à Info ou Mytho, mais à 8h04, il est largement l'heure de retrouver les infos avec Rémi, le point sur l'actu. On va tout savoir. Et tout savoir aussi sur la météo, même si on a connu mieux pour la météo, hein, c'est pas la folie, demain sera encore pire. Eh oui, en tout cas aujourd'hui ça reste perturbé, orageux même sur la moitié nord et surtout si vous êtes dans le nord-est. Par contre, il fera encore très beau dans le sud, surtout sur l'arc méditerranéen. Et en Corse, là, dès ce matin, le soleil qui fait de très belles apparitions. Les températures, on a actuellement 10 degrés à Rodez, 11 à Alençon, 12 à Nantes et à Beauvais, 13 à Lille et au Havre, 14 à Lyon et à Paris, 16 à Biarritz et 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 16 au Havre, 17 à Brest, 18 à Lorient, 19 à Lille et à Paris, 20 à Bordeaux, 22 à Mâcon, 23 à Lyon, 24 à Marseille et 26 à Montpellier. La pollution nickel ce matin, rien à signaler. Les indices sont compris entre 2 et 4 partout. Ouais, et d'après ce que dit la météo pour demain, c'est des nuages pour tout le monde, sauf pour les Corses. Eh ben dites donc, si vous avez du soleil dans le sud aujourd'hui, profitez bien. Le point sur l'actu tout de suite, l'actu et le sport. Et on parle de l'euro comme tous les matins sur Skyrock. L'Espagne, après avoir dominé son match, s'impose logiquement hier contre la République tchèque 1-0. La Suède de Zlatan, par contre, a buté contre l'Irlande, un but partout. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie qui a tenu toutes ses promesses hier soir. Avantage pour la Squadra Azzurra, 2-0. À suivre aujourd'hui, Autriche-Hongrie à 18h du côté de Bordeaux, avant l'entrée en lice du Portugal de Ronaldo à Saint-Etienne contre l'Islande. CR7 qui compte 125 sélections s'apprête à battre le record de Luis Figo qui lui en a 127 au compteur. Et puis on parlera aussi à la fin des infos du Mercato qui commence à s'agiter. Le gouvernement qui confirme l'acte terroriste après le double meurtre d'un couple de policiers hier à Magnanville en région parisienne. Le forcené âgé de 25 ans a déjà été condamné en 2013 pour terrorisme. Il a d'abord poignardé le mari à 9 reprises devant chez lui avant de se retrancher dans sa maison. Le raid s'est rendu sur place et faute de négociation a donné l'assaut aux alentours de minuit. L'individu a été abattu. Les hommes du raid ont découvert le corps de la policière égorgée et l'enfant du couple de 3 ans en état de choc mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. Une réunion de crise est en cours à l'Élysée autour de François Hollande, le président qui promet de faire toute la lumière sur ce drame abominable. Une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail avec la CGT en première ligne qui promet une affluence record. 600 cars venus de toute la France sont en train de converger vers la capitale. La manifestation partira à 13h, place d'Italie, pour se rendre aux Invalides. Des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille et à Toulouse. 130 personnes sont interdites de s'y rendre. Le mouvement commence tout de même à s'essouffler. Plus que deux raffineries encore ralenties. Le trafic SNCF qui n'est quasiment plus impacté, comptait 9 TGV sur 10, 7 Transilien et TER sur 10 et 60% des intercités. Les taxis en revanche prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Etienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail mais la grève qui se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol ce mardi. Le début des épreuves du bac demain pour 696 000 élèves de terminale. Ouais. Et oui, ça va commencer comme chaque année par la traditionnelle épreuve de philo. Ouais. Alors attention si vous êtes concerné car les mesures de sécurité sont renforcées cette année en raison du plan Vigipirate. Il faut arriver entre 15 et 30 minutes avant le coup d'envoi, 45 minutes même à Paris pour que les sacs puissent être fouillés. N'oubliez pas non plus qu'il peut encore y avoir quelques difficultés avec les transports en commun. Faudra se lever tôt demain matin, on vous accompagnera jusqu'au bac. Bon courage. Et des nouvelles du Mercato là tout de suite comme promis. Et ouais, la question est posée depuis quelques semaines, où va filer Ben Arfa la saison prochaine? Eh bien l'équipe croit savoir que Séville est très intéressée, dispose même d'une longueur d'avance sur les autres prétendants. Le milieu offensif des Aiglons est attendu dans les prochaines heures en Andalousie pour entamer des négociations. Ça bouge également du côté de Manchester United. On attend la confirmation pour Zlatan qui pourrait être accompagné par un autre Parisien, à savoir Marco Verratti. Et oui, les Red Devils seraient prêts à poser 100 millions d'euros sur la table pour le transfert. Enfin, des news d'Umtiti. Le Lyonnais serait en partance pour le Barça. On en a parlé hier. Mais attention, rien n'est fait. Chelsea et Arsenal sont également intéressés et pourraient bien faire monter les enchères. Ouais, il aura du travail l'année prochaine, Umtiti. Ah, c'est sûr. Il sera pas au chômage. Tout va bien. Merci. Rémi pour les infos. On te retrouve à 8h30 pour la suite. Il est 8h08. C'est l'heure de vous offrir 1 500 euros. Et on prépare nos conseils pas chers. On va en savoir plus d'ailleurs tout de suite. Oui. Aujourd'hui, c'est mardi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Oh, que ça l'excite. Les conseils pas chers, on parle de quoi, Romano? De l'euro, tu nous as dit, mais plus précisément. De l'euro et de Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano. Merci beaucoup for supporters in France. And merci. Oui, de rien, Cristiano. Merci beaucoup pour le supporter de France et merci. Et Cristiano Ronaldo est à Saint-Etienne. Ah, il arrive à Saint-Etienne. Il est content d'être à Saint-Etienne. Il est content. Oh oui, il est content. Très très heureux. Il arrive chez les Verts. Merci Cristiano. Cristiano Ronaldo, comment gagner de l'argent grâce à lui? C'est dans un instant, juste après vos 1500 euros. Et juste après, Rihanna. Tiens, d'ailleurs, on aura aussi des places pour Rihanna avant 9h, je vous le dis. Hein. Ouais. On va l'écouter avec Calvin Harris, mais l'enveloppe des 1500 euros est là. Il y a de l'argent à gagner, c'est pour vous. Le jeu des 1500 euros. 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. Et oui, et malgré ma tendinite, j'ai récupéré mon deuxième bras. Ça y est, mon bras est libre. Je vais quand même essayer d'ouvrir l'enveloppe. Et Dieu sait que ça me demande un effort exceptionnel. Je remercie d'ailleurs les millions et les millions d'auditeurs et d'auditrices de Skyrock, vous tous et vous toutes, qui vous inquiétez tous les matins pour savoir où en est ma blessure. Fais gaffe quand même. Tu as raison, Karine. Ouais, bah là, je prends des risques. C'est comme ça, la life. Ouais. Ah, vas-y, mollo, parce que là, c'est un risque de dingue que tu prends. Ma vie est un risque, vous le savez. Perpétuel. Oui. J'ouvre l'enveloppe. Vous avez vu comme j'ai bien ouverte, malgré oui, tout. Très bien. Ah, ouais. C'est parti. C'est parti chez qui? Chez les Picards ce matin. On va en Picardie. Et précisément dans la Somme, on est donc dans le 80 et on est à Amiens, chez Fabrice Amiez. Et bah, bonne chance à Fabrice. On l'appelle. S'il répond Skyrock, il repart avec son chèque de 1500 euros. Quand on vous demande quelle est votre radio préférée, Skyrock, et c'est dans la poche. Le chèque est là, il est beau. Et il est pour Fabrice. Alors. Allô, allô. Oui, allô. Bonjour, monsieur Amiez. Oui. Bonjour, c'est Fabrice au téléphone, c'est ça, hein? Oui. Nous, c'est la radio, Fabrice. On est en direct à la radio dans toute la France et on t'a tiré au sort, Fabrice, pour gagner 1500 euros ce matin. Il faut répondre à une question. Je vais te poser une petite question. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1500 euros. Non, ah, c'est pas vrai, c'est Skyrock. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas encore posé la question. Il va falloir que tu la poses maintenant officiellement. Eh oui. Quelle est ta radio préférée, Fabrice? Ah, c'est Skyrock. Mais t'as bien raison, c'est gagné, Fabrice. Ah, ouais, Fabrice. Ouais, Fabrice. Tu viens de gagner 1500 euros en direct sur Sky ce matin, Fabrice. Attendez, je vais mettre la radio. Ah, vas-y, mets la radio, ça. Eh ouais, tu passes en direct dans toute la France, Fabrice. Et en direct pour les 1500 euros, c'est un des meilleurs moments de la journée, un des meilleurs moments qui puisse vous arriver. Quand on vous appelle, faites comme Fabrice, c'est moi-même en personne. Il est là. Il est là aussi. Eh oui, Fabrice, tu m'en donnes la moitié. Il t'entend plus là. Ah, tu m'entends plus, Fabrice. Fabrice est passé sous un tunnel. Super. J'y crois pas. Bravo, Fabrice. Ah, bah si, tu vas y croire, j'en prends la moitié, Fabrice. Non, je rassure, Fabrice, le chèque, il est entièrement pour toi. Te laisse pas estonquer par Romano. Faut pas se faire escroquer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fabrice? Raconte-nous un petit peu. Là, je suis en formation. Enfin, je suis en stage en formation. Très bien. Tu vois, Cédric, toi, tu es en déformation visuelle. Pour tous les membres de l'équipe. Ouais. Et Fabrice, lui, se forme. J'en tremble. Bah, ça s'entend, bravo. Bah, content, ouais. Content que ça te fasse plaisir, Fabrice. Tu vas faire quoi avec tes 1500 euros, tu sais? Replier mes factures et découvrir, me faire plaisir. Ah, quand même un peu, hein. Bon, facture, ouais. Découvert et un peu de plaisir, c'est magnifique, Fabrice. Bravo à toi. Tu représentes bien les Picards ce matin. On salue toute la Picardie qui se réveille avec Skyrock tous les matins dans le morning. Allez Amiens. On est plutôt sur aller les Bleus ces temps-ci, mais un aller Amiens ne fait pas de mal. Allez la France aussi pour demain. Eh bien, je te nomme champion des 1500 euros. Champion, mon frère. Attends, j'y crois pas, là. Bravo, Fabrice. T'as la même voix que mon oncle, Fabrice. Il a marché notre stratagème, hein. Allez, au revoir, tonton. Bon, salut Fabrice, raccroche pas, on prend tes coordonnées, on t'envoie ton chèque très très vite. Bonjour à toute l'équipe, puis je voudrais faire une grosse pensée pour Momo. C'est gentil, Fabrice. Je suis porteur parisien, c'est pour ça. C'est gentil comme tout, Fabrice. On te fait un gros bisou, et puis on t'envoie ton chèque, tu quittes pas, on te reprend tout de suite. Bravo pour les 1500 euros. D'accord, merci à vous tous. Salut Fab, ciao. Salut Fabrice, ciao. Et vous, 1500 euros, le prochain coup pour vous, hein. Skyrock, et c'est dans la poche. Tous les matins. Morning Show. Hi, this is Rihanna, and I'm on Skyrock. Le morning de Difool, 6h-9h sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You Rihanna sur Skyrock avec Calvin Harris, la radio qui vous offre les places pour aller voir Rihanna. C'est Sky, on vous en offrira tout à l'heure avant 9h du matin. C'est aussi la radio qui vous file les places pour l'Euro. C'est tous les matins entre 6h et 9h dans le morning. Loupez pas le rendez-vous. Les quarts de finale sont partis ce matin, hein. Deux places pour les quarts de finale à Marseille. Ouais. On a tous les quarts, toutes les demi, on a même la finale. Même la finale. Et même les huitièmes de finale, tout ça à choper dans le morning. C'est sur Skyrock, évidemment. C'est également Skyrock, la radio de vos conseils pas chers. Et là, je crois que ça va être l'heure de passer à l'action. Écoutez cette petite musique. C'est le signal. C'est le signal des conseils pas chers de ce matin. Faut aller chercher de l'argent. Oui, avec Cristiano Ronaldo ce matin à l'honneur. Cristiano, Romano t'adore. Merci beaucoup. Oh, de rien mon cri-cri. Qu'il est mignon. Bonjour à toi Cristiano, tu es à l'honneur. C'est mon cri-cri d'amour. Bacalao. Oui. Allez, c'est parti. It's a fantastic. Oui, c'est fantastique. C'est fantastique, c'est les conseils pas chers. The fantastic conseils pas chers. Son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Cristiano Ronaldo qui démarre l'Euro ce soir à Saint-Étienne. Il a choisi la ville du football en France, ma ville, Saint-Étienne, les Verts. Bravo Cricri, bravo Nono. Bravo Cristiano. Il a dû arriver, il a dû dire ah, c'est tout pour riche. Grave, il a dit, mais bien sûr que non. C'est tout pour riche, regardez-moi ces stats. Non, hey, écoute Romano, ce qu'il a dit quand il arrivait. Il est mal construit le stade. Quand il est arrivé à Saint-Etienne, il a dit It's a fantastic. Ouais. Ah, ouais, c'est sûr. Mais bien sûr que oui. Que tout le monde dit en arrivant à Saint-Etienne. Il est arrivé à Saint-Etienne, il a fait. C'est magnifico. Vivement qu'on se cache d'ici. Magnifico. Allez, vivement le prochain match. Alors, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo va me permettre de gagner de l'argent. Ce matin, je travaille dans l'hôtel où ils ont dormi. À Saint-Étienne. Et j'ai récupéré des slips et des chaussettes. Et j'ai également fait des photos avec lui. Je vais les revendre aux familles. Et d'ailleurs, si vous savez où il a dormi, Cristiano, dites-nous. Parce que j'aimerais bien savoir dans quel hôtel il a dormi à Saint-Étienne. Dans l'hôtel. Sinon, il y a ma chambre chez mes parents. Peut récupérer ma chambre, Cristiano. Ah, ça va l'intéresser, c'est sûr. Ah, bah là, il est déjà parti. Il vient. Mais oui. Ça ferait plaisir à ma mère, elle est fan de Cristiano. Cristiano Ronaldo. Donc tu vends quoi, Cristiano? Les slips, les chaussettes, les maillots de corps, allô, des cheveux, allô, des poils de sexe. Allô, la femme oui. Ricardo. Oui, bonjour, c'est la femme de Ricardo. C'est la femme de Ricardo. Oui. Salut Ricardo. Oui. Comment? Il est là, Ricardo, c'est pour le football. Non, il est pas là. Ah, j'avais une surprise pour lui. Bah, je travaille à l'hôtel, vous savez, où ont dormi les Portugais, là, l'équipe nationale portugaise. Oui. Avec Cristiano Ronaldo. Oui. Et là, j'étais en train de parler à des amis. Là, j'ai fait sa chambre ce matin. J'ai récupéré des chaussettes, des maillots de corps. Et les chaussettes qui poussent. Ah oui, il a les pieds qui poussent d'ailleurs. Ah, parce que je jouais avec. Ouais, c'est super. Un slip. et mon slip qui pousse. Et des poils de dessus de bras et des poils de sexe. Et tu choisis quoi, toi? Bon, allez, Jean-Louis, hein. Ciao. un poil de sgeg. Allez. Que vous voulez un poil de mon zizich? C'est très rigolo. C'est très rigolo. Viva Portugal. Viva Portugal. Il est où, Ricardo? Mais vous l'avez pas eu? Non, je l'ai pas eu. Il est où? Mais il est où? Il est peut-être sur le tronche. Sur le tronche. Allez. Il fait caca. Allez, Forza Portugal. Forza Portugal. Viva Portugal. Oui, moi ce soir, je suis pour le Portugal aussi. Hein, cri-cri. Oui. Vas-y, appelle-moi un deuxième, Cédric. Merci, la femme de Ricardo. Allez, ciao. Ciao. On va chez qui? Chez Sergio. Sergio. Allons-y. C'est super de parler portugais. Moi, je savais pas que je parlais portugais si bien. Ah, c'est facile, en fait. Vous êtes plein les Portugais à nous avoir laissé des messages hier pour dire que pour vous le Portugal était l'équipe favorite de l'Euro. Ouais. On verra ce soir si ça démarre bien face à l'Islande. C'est pas une grosse équipe non plus l'Islande. Allô José. Ah c'est José. Oui. Vive Portugal. Si, vive Portugal. Oui. Portugal. D'Ivoire, je travaille à l'hôtel là où a dormi Cristiano Ronaldo. Là-haut, à l'hôtel, moi j'y étais hier au soir. Ah, tiens, moi j'étais dedans, je travaille dedans. Et ouais. Et j'ai récupéré les chaussettes de Cristiano Ronaldo, il pue des pieds. Hein. Oh là, bah, je te jure, j'étais obligé de les mettre dehors tellement il pue des pieds, le salaud. Nous, on a discuté avec le gardien, le grand, il est là-bas. Ah ouais, moi j'ai discuté avec Cristiano Ronaldo. Je voulais t'amener une paire de chaussettes de Cristiano Ronaldo, je vais me les acheter. Un souvenir. Par contre, faut les mettre sous un truc en verre parce qu'ils puent. Hein. Oh, oui, bon, faut les mettre dans la javel pendant 15 jours. Non, tu les mets sous une cloche à fromage. Ouais, c'est bien, ça a le même goût, la même odeur. Oui, faut pas la manger. Hein. Sinon, j'ai un slip si tu veux. Non, merci. Un poil de son sexe. Non. Un poil de cul. Non, je veux rien du tout. Allez, s'il te plaît, c'est pour Portugal. Portugal, vive Portugal. Vive Portugal, Forza Portugal. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Cristiano Ronaldo a un truc à te dire pour te prouver qu'il est vraiment avec nous. Bacalhau, bacalhau. Bacalhau, bacalhau. Ah, il y a bacalhau. Ah, ben oui, c'est ce que tu sens de ses pieds, bacalhau. Ah, oui. Eh, vive un Porto. Eh, je vais passer chez toi ce matin. Tu as passé? Eh, je vais passer, on va boire un verre de Porto. Ah bon? Eh, vive un Portugal et tu me prépares une morue. Voilà. T'en as déjà une, hein? Oui, c'est toi, Carriol. Ah oui, c'est moi. J'aime pas, moi. Ah, t'es pas la morue? Bah écoute, Carriol, désolé, hein, tu restes là. Romano, il va tout seul. Et le Porto, un petit coup de Porto quand même. Un Portugal. Un Portugal du Porto. Portugal, oui. Un Portugal. Et je t'amène du trouelle. Ouais, un trouelle et un peu de cimento. Eh, si, du cimento et un trouelle. On va monter à Murs. Et la spatule, t'as la spatule et les tuyaux. Les tuyaux, j'aime les tuyaux. Ah ben, qu'on va bien s'amuser avec les tuyaux, la spatule, la trouelle et le cimento. Eh, viva Portugal. T'es Cristiano Ronaldo, je Portugal, Forza Portugal. Portugal. C'est le comment il s'appelle déjà? Ricardo, non, Sergio. Non, José. José. Oh, merci, José. José, vive à Portugal. Vive Portugal. Et on suit le match en direct sur Skyrock. Tenez-vous prêts. Le match à suivre ce soir en direct entre 21h et minuit. Salut, José. Eh, hey, José, vive à Portugal. Ciao. Vive à Portugal. Vive à Portugal. Le morning de Diffoul en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Il est encore là. José, on écoute Jason Derouloche. Derouloche pour faire la pantoule. Ça, c'est super. Avec la spatoule. Avec la spatoule. Et dans un temps, un faux mitoche. Allez.

Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Avec les offres Trilogy, vous avez trois bonnes raisons de rouler enfin en BMW. Un taux de financement exceptionnel, 3 ans d'entretien offert et la garantie étendue à 3 ans pour 1€ de plus. Uniquement sur des occasions sélectionnées par votre concessionnaire BMW. Offre Trilogy jusqu'au 18 juin chez votre concessionnaire BMW Premium Sélection. Offre limitée à 300 dossiers. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Financement de 12 à 48 mois sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Voir conditions sur bmw.fr. Allez hop là, après la voiture, on file chez Zlatan maintenant avec Info ou Mytho, on joue ensemble. Le Morning de Difool, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Eh oui, Zlatan is the best. Bonjour Zlatan, bienvenue sur Skyrock. Zlatan qui est retourné en France. Eh oui, il était là et il n'a pas oublié son cœur, il n'a pas oublié son équipe de cœur. Son club de cœur, le PSG. Il s'est pointé avec un slip PSG avec la tour Eiffel derrière, le magnifique slip. Mignon tout plein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est l'info que je vous ai donnée. Et Adrien a la bonne réponse. Il est avec nous en direct de Charleville-Mézières. Salut Adrien. Salut Difool. Salut à toi. Salut. 19 ans à Charleville et la bonne réponse, c'est info ou mytho? Mytho. Oui, il avait les protège-tibias du PSG. Il a quand même rendu hommage à son équipe. Ah, quand même. C'est gentil. Ou alors c'est une grosse pince et peut-être il s'est dit tiens, je vais les mettre, ça coûte pas cher. Peut-être. Ça se trouve, la Suède ne le fournisse pas, donc voilà. Pas le choix. Protège-tibias du PSG. On vous met la preuve sur tous les réseaux de Skyrock. Vous pouvez aller y faire un tour pour voir les magnifiques mollets de Zlatan et ses super protège-tibias PSG. Tu es donc qualifié, Adrien. Tu vas jouer avec nous et avec Cariole d'un côté, oui. Une information animale, ouais. Et école et examen même pour Cariole. Et de l'autre côté, Romano avec une information qu'il a voulu tenir secrète jusqu'au bout. Il va tout nous dire tout de suite. Oui, attention, moi c'est une info qui vient de Bordeaux. Très bien. On y va ? C'est parti, t'es prêt ? Info, mytho, mytho, mytho, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux ? Bon, concentre-toi Adrien, on a vraiment envie de te filer la télé Samsung, la toute dernière. Ouais. Elle est pour toi, j'espère. Romano, ton info. Alors, problème à l'URSSAF de Bordeaux. L'URSSAF, c'est en gros, c'est ceux qui contrôlent travail au noir, travail dissimulé, les patrons qui ne payent pas leurs charges, tout ça. Mm-hmm. Et donc, il y a eu un problème, ils se sont autocontrôlés. Ah, ils ont regardé s'il n'y avait pas des trucs bizarres chez eux. Et voilà. Et alors, le problème qu'il y a, c'est que effectivement, ils ont trouvé des choses bizarres parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que dans l'URSSAF de Bordeaux, il y avait des salariés qui eux-mêmes n'étaient pas déclarés. Oh, bien pas joué, l'URSSAF. C'est bien joué, ça, dites donc. C'est bien de faire la leçon aux autres. Alors, mais... au départ, ils ont dit oui, c'est un contrôle pédagogique. Bon, ils s'est trouvé que le contrôle pédagogique, il a payé parce que les salariés ont été démasqués. Donc, c'est un peu la panique. La panique info à Bordeaux. Ou mytho. Panique à l'URSSAF, c'est l'info de Romano. Ou le mytho, on verra. Ouais. Et Cariole, alors, on file dans les salles d'examen ce matin. C'est ça, il y a un centre d'examen à Strasbourg où on va passer les épreuves du bac. Bonjour, le Strasbourgeois. Et qui accepte les chats, en fait, pendant les examens pour déstresser les élèves. C'est bien ça. Info ou mytho. Tu peux venir avec ton chat. Moi, j'ai déjà ma chatte. Oui. Ouais, ouais. Les filles, vous aviez déjà le droit à ça, par contre. Alors, des chats dans le centre d'examen ou alors l'info magnifique de Romano de ce matin à Bordeaux, l'URSSAF qui s'autocontrôle et qui voit qu'il y a du travail au noir à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien ? Alors, Romano info. Romano info, Cariole mytho. J'aurais dit comme toi. Parce que t'imagines si tout le monde ramène ses animaux. Oui, ça fait peut-être du monde. Moi, j'ai un pitbull, par exemple, je le ramène parce qu'il me calme, le chien. Eh bien, c'est gagné. Ouais, c'est gagné. La télé Samsung, elle est pour toi. Ah ben merci toute l'équipe. Eh ben bravo Adrien, tu as bien représenté les Ardennes et Charleville-Mézières. Ouais. Eh oui, bravo. Donc ça, c'est vrai. Donc l'URSSAF s'est autocontrôlé, ils auraient pas dû. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des travaux qui étaient réalisés dans l'immeuble où ils étaient, et il s'est trouvé que la société qui était en train de faire les travaux, il y avait des salariés non déclarés dedans. Donc les travaux ont été arrêtés. Voilà, c'était notre petite info et mytho du jour. Ils ont bien fait. Ouais, voilà. Ouais. Oui, Adrien, une télé pour toi. Et la vraie info de Cariole, c'est quoi? C'est en Allemagne. En fait, c'est un chat qui s'appelle Campus Cat. Campus Cat. Et en fait, il traîne dans le campus sur les table, à la cantine. Ah, c'est le chat du campus. C'est le chat du campus. Pourtant, il appartient bien à quelqu'un, mais il vient tous les jours sur le campus. C'est mignon, il aime bien les étudiants et les étudiantes. Ouais, ouais, c'est ça, ça lui fait de l'animation. Ouais, c'est Campus 4. C'est Campus 4. Tiens, demain, un nouvel animal viendra pronostiquer le match de l'Euro, je vous l'annonce. Après la réussite de Bébête, on est en train de faire l'élection du meilleur animal pour faire des pronostics. Bébête, le chien de Romano et de Cariole, oui, a réussi vendredi. Demain, je vous annonce l'arrivée de Côte-Côte, la poule. Oh. Côte-Côte, la poule qui donne les bonnes cotes. Ouais. Demain matin, je vous assure, sûr, il y aura une poule demain matin qui viendra faire les pronostics. Ouais. Soyez là. Bah, en tout cas, Adrien, toi, tu pourras regarder les matchs à la télé, tu pourras regarder tout ce que tu veux dans ta nouvelle télé. Ouais, la télé Samsung, merci. Elle est pour toi, on te l'envoie vite. Et merci. Salut, Adrien. Salut. Et on fait vite les infos et je vous annonce des stars en cascade d'ici 9h du matin. Cristiano Ronaldo. Waouh. On va tenter de joindre Cristiano ce matin. Plus Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui viendra faire notre réveil de star du morning. Un nouveau réveil de star avec Cyril Hanouna et Rémiche pour les infos. C'est parti. Rémiche. À 8h35. On y va, on fait le point sur l'actu et on va démarrer par la météo pour aujourd'hui. Bah ouais, bah ça reste perturbé, encore orageux sur la moitié nord et principalement à l'est. Encore une fois, ce sera plus agréable dans le sud et surtout sur l'arc méditerranéen, mais aussi en Corse. Les températures pour ce matin, eh bien, on a 9 degrés du côté d'Aurillac, 11 à Orléans, 12 à Saint-Etienne, 13 à Lille et à Strasbourg, 14 à Lyon et à Paris, 16 à Nîmes, 18 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 16 à Cherbourg, 18 à Niort et à Poitiers, 19 à Paris et à Lille, 21 à Toulouse, 23 à Lyon, 24 à Marseille, 26 à Toulon et 27 du côté de Nîmes. La pollution, bah, c'est pas mal aujourd'hui, c'est même très bien puisque les indices sont compris partout entre 2 et 4. Du coup, bah, on respire bien. Aucun problème à signaler. Et le point sur l'actu, vous allez tout savoir avec un petit peu de retard, mais bon, l'actu quand même, c'est parti. C'est parti avec l'actu et un drame abominable en région parisienne. Ce sont les mots de François Hollande qui convoque une réunion là actuellement à l'Elysée. Un commandant de police et sa compagne ont été tués à Magnanville dans les Yvelines. Le forcené a d'abord poignardé le mari devant le domicile avant justement de pénétrer dans la maison dans les Yvelines. Il a ensuite, le raid est ensuite intervenu, faute de négociation, et a donné l'assaut autour de minuit. L'individu a été abattu. Les hommes du raid ont découvert le corps de la policière et l'enfant du couple de 3 ans en état de choc mais sain et sauf. L'assaillant s'est réclamé du groupe État islamique et Daesh revendique le double meurtre ce matin. L'individu qui était déjà connu pour terrorisme puisqu'il a été condamné en 2013 à 3 ans de prison. Bernard Cazeneuve qui dénonce ce matin un acte terroriste abject et qui dit que la menace terroriste est toujours très élevée. Une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail. On en parle depuis ce matin. La CGT promet une affluence record. 600 cars là sont en train de rouler tranquillement vers Paris. La manifestation partira à 13h place d'Italie pour se rendre aux Invalides. Des cortèges sont également prévus ce matin à Marseille et à Toulouse. Le mouvement qui commence tout de même un petit peu à s'essouffler. Deux raffineries sont encore à l'arrêt et le trafic SNCF n'est quasiment plus impacté. Les taxis en revanche prévoient des blocages aujourd'hui sur le périphérique parisien mais aussi aux abords des stades de Bordeaux et de Saint-Etienne. Enfin, rien à voir avec la loi travail mais la grève qui se poursuit à Air France. Un avion sur 5 restera cloué au sol aujourd'hui. Barack Obama attendu à Orlando. Les 49 victimes de l'attaque dans une boîte gay ont désormais été identifiées. Les conséquences politiques ont été immédiates comme prévu alors que la campagne bat son plein aux États-Unis. Donald Trump durcit le ton. Le candidat républicain appelle à suspendre les flux migratoires en provenance des pays qui ont un historique terroriste. 26,2 milliards de dollars. C'est la somme que va sortir Microsoft pour s'offrir le réseau social LinkedIn. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une sorte de Facebook mais destiné au monde professionnel. Le réseau créé en 2003 revendique 433 millions de membres dans le monde. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs du sang, l'occasion pour Skyrock de s'associer à l'EFS, l'établissement français du sang. Plusieurs collectes sont organisées toute la semaine un peu partout. Un acte qui prend quelques minutes et qui, vous le savez, peut sauver des vies. Le rendez-vous est fixé à Paris aujourd'hui sur la place des Vins de France, sur la ligne 14. Et puis pour connaître tous les lieux de la semaine, vous pouvez vous rendre sur le site jedonnemonsang.net. Pas mal, la place des Vins de France pour récupérer du sang. Tout est rouge là-dedans. Eh oui. Le point sur l'euro comme tous les matins sur Skyrock tout de suite. L'Espagne, après avoir dominé son match, s'impose logiquement mais dans la douleur contre la République tchèque 1-0. La Suède de Zlatan a buté contre l'Irlande un but partout. Enfin, le choc entre la Belgique et l'Italie a tenu toutes ses promesses hier soir, mais avantage pour les Italiens qui s'imposent 2-0. À suivre aujourd'hui, 2 matchs seulement, on est habitué à 3. Autriche-Hongrie à 18h du côté de Bordeaux et puis l'entrée en lice de Ronaldo avec le Portugal, ce sera à Saint-Etienne contre l'Islande, CR7 qui avec ses 125 sélections va battre certainement le record de Luis Figo qui en a eu lui 127. Ouais, Cristiano. Et on part à l'assaut là, à Cristiano Ronaldo avant 9h sur Skyrock. Attention, merci Rémi pour les infos. Yep. Et à 8h39, attention, on est prêt. On a préparé aussi un petit son de MHD. MHD, il arrive. Allez, MHD, Afrotrap. Aujourd'hui, c'est mardi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Oui, si vous avez des bons tuyaux pour réussir à joindre les joueurs, n'hésitez pas à nous les donner. On prend tout, c'est sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Et on va remercier dans un instant quelqu'un qui nous a donné un bon tuyau. Je vous en reparle tout de suite. Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien l'avoir au téléphone. On l'avait eu d'ailleurs au téléphone, Cristiano Ronaldo. On l'avait réveillé une fois. On l'avait déjà réveillé. Un matin, ça nous avait pris comme ça. Un auditeur nous avait filé son numéro. Ah ouais? Et on avait réussi à le choper. Mais oui, t'étais pas encore là, Cariole. Ah bon? Cristiano était là avec nous. Il s'est réveillé. Il nous a fait son célèbre cri de guerre. Et alors on lui a dit c'est Skyrock, il nous a fait it's fantastic. Bon, Cristiano Ronaldo, le vrai, on tente le coup dans un instant, tenez-vous prêts. Et préparez-vous aussi parce que les stars en rafale et en cascade sur Skyrock ce matin. Mais c'est le défilé. Le défilé, et il arrive aussi pour le réveil de stars. Oh, nouveau réveil de stars, le troisième. C'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui va réveiller une troisième famille dans un instant et ça nous fait bien plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je vienne faire un truc? Oui, on va le faire aller à 8h50, dans 10 minutes à peu près. Ouais, Cyril, dans ce zoo-là. 10 minutes, un quart d'heure, réveil de star. Cyril Hanouna, c'est sur Skyrock que ça se passe. Bah, comme le son de MHD, c'est sur Skyrock que vous l'avez découvert. Afrotrap avant Cyril Hanouna et Cristiano Ronaldo en exclu dans le morning. Et j'ai oublié une autre star, Rihanna. On l'oublie pas, parce qu'on a des places à vous filer tout à l'heure. C'est Riri. Vous voulez aller voir Rihanna en concert Skyrock dans toute la France au mois de juillet? Eh bien, ce sera avant 9h du matin. Va pas falloir attendre plus de 20 minutes. Restez bien avec nous. Et puis, profitez d'Afrotrap, comme promis, sur Sky. Le morning de Difool. MSD dans le morning de Difool. On est chaud. 6h-9h sur Skyrock. Pa. Les bâtards qui parlent que par intérêt. On paraît que penser ne veut. Apprendre à marcher, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On vit ta tenue, mon gars, pour ce combat. On chie pas le patron, paye son test. Le bon qui va gérer mes vêtements. Et ma ça tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, que bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Moalé. Faut que les jaloux, j'y vois ma vie. À 11h, je vis ça avant. Gardez, appétit. On se barre, j'ai la boule à tout plaisir. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Gardez appétit, gardez appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Mais mes prises et mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. La ouest, les bêtes, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le check, c'est la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte. On se dit l'air que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. Tu plus utilitaire quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, quand je me barre, je la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, quand je me barre, je la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté appétit, gâté appétit, appétit. Gâté appétit, gâté appétit, appétit. MHD sur Skyrock, celui qui n'a pas oublié son duo avec Romano dans la Radio Libre, le grand MHD. Il y a Black M qui vient nous voir bientôt dans la Radio Libre. Je crois que c'est demain soir qu'il vient, non? C'est quoi, ouais, Cédric? Demain soir, normalement. Demain soir, Black M arrive avec une surprise. On parle des invités de la Radio Libre à ne pas louper. Et il viendra demain, on sera peut-être avec lui pour suivre le match de la France d'ailleurs. Bah ouais, ah oui, c'est vrai que demain aussi il y a les Bleus. Ouais. Quelle soirée demain soir, voilà, j'ai pensé à ça. C'est la folie. La folie sur Skyrock. Est-ce que ça vous ferait plaisir de parler à Cristiano Ronaldo? Oh oui. Oh oui. Ah oui, parce que des stars, on en a du lourd ce matin. C'est Cyril, Hanouna. Oui, non, mais Cyril, toi, c'est après. Hein. Tu passes après Cristianoche, parce que c'est quand même notre Cristianoche à Noche. Voici donc Cristiano Ronaldo, le vrai. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Bon, on a le numéro de l'hôtel de Cristiano, on tente le coup. Il est à Saint-Étienne. Il est à Saint-Étienne, oui. Romano, toi qui parles si bien le portugais, grâce, il faut quand même le dire, à cette charmante jeune fille qui t'a accompagné pendant. Pourquoi tu ris, Carriole? Pour rien. J'ai même pas fini ma phrase, qu'elle est déjà morte de rire. Ma Carriole, elle taille avec le tromblon qui se trimballait avant. Ouais, mais elle était pas portugais. Et puis il était riche. Ouais, ça, c'est clair qu'il était très riche. Ça, ça rend beau, ça. Alors, laisse-moi finir ma phrase, Carriole. Oui. La magnifique, magnifique portugaise qui a partagé 3 ans et demi de la vie de Romano. Elle lui a donné 3 ans et demi de bonheur. Je veux parler de la gothique. Mmh. Et elle t'a appris à parler portugal. Non, pas trop. Portugais, plus. Portugal, ouais. Ah non, on parle portugal. Ah, oui, portugal. Elle t'a appris, elle t'a pas non. appris. Bah, non, elle parlait français. Donc. Comment t'as appris à dire bacalhau? Bah, ça, c'est sa mère, elle traitait son père des fois. Elle traitait de bacalhau. Monru, elle lui disait. Bacalhau, bacalhau. Oui, Cristiano. Bacalhau. Cristiano a bien repéré bacalhau. Que les personnes puissent venir au stade et puissent appuyer à la station de Portugal. Qu'est-ce qu'il a dit, Romano? À Portugal. Bien joué, bravo! Tu vois qu'elle t'a appris. J'ai entendu la fin, Portugal. Elle t'a appris plein de trucs. Et là, écoute. Et j'espère que c'est plaisir. À Brésil, il veut partir en vacances. Il aime bien le Brésil. Ouais. Vacances au Brésil. Très belle traduction, parfait. Et là, qu'est-ce qu'il dit en portugais? The best player in the moment, it's me. Le meilleur joueur du moment, c'est moi, mais c'était en anglais. Oui, là, c'était en anglais. Qu'est-ce que tu parles bien le portugais? Ouais. C'est quand même. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Cristiano, là? Merci beaucoup for supporters in France. And, merci. Merci beaucoup, supporters de la France. Merci. Mais vraiment, putain, il s'est parlé portugais. T'as vu ça un peu, qui est impressionnant, putain. Cédric. T'as vu un peu, je t'ai mis sur le cul. Là. Tout ça grâce à ta super gothique. Viva Portugal. Bon, on appelle l'hôtel de Cristiano, c'est parti. Allez, vas-y, Cédric, fais-nous rêver. C'est à Saint-Étienne qu'on va. C'est ça, ouais. Oh, j'ai envie de chanter, moi, je sais pas ce que j'ai. J'ai envie de chanter, là, un truc de fou. Merci à Saint-Étienne-Charlène, à votre écoute, bonjour. Oui, bonjour, que je suis à l'hôtel de Portugal. Oui. Oui, bonjour, que je suis avec mon ami. À Viva Portugal. Qui voudrait parler à la chambre de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. Ah non, ça ne va pas être possible. Ah si, que c'est possible. Que je suis le frère de Cristiano Ronaldo, c'est que moi-même, je suis la mère de Cristiano. Ah, c'est la famille. Je vous souhaite une très bonne journée, messieurs. Ah si, qu'il a oublié sa trouelle. Il a oublié sa trouelle à la maison. Sa trouelle pour le bonheur. Bon. Alors, on va changer de plan. Je vais changer de plan. Parce que là, je pense qu'elle nous a reconnus. Je dis qu'elle est entraîneur. Oui, alors. Non, mais t'es complètement con, Cédric. L'entraîneur, il est avec eux, mais t'es. Bah, il peut être sorti. Non, il est pas sorti, il dort. Oui, alors. Vive à Portugal. Change ta voix, parce qu'elle va te reconnaître. Alors, on connaît pas du tout. Parce que Skyrock est très écouté à Saint-Etienne. Et il faut faire très attention. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Là, je suis bien. Là, je suis la mère de Cristiano. Je la tiens bien. Allô? Attends, ça sonne. Ça, on sent tout de suite l'hôtel de luxe. Bienvenue dans votre hôtel Mercure. Ça, c'est le luxe. Welcome to your Mercure Hotel. Ah, ouais, c'est au Mercure? Ils sont au Mercure, ouais. Si vous souhaitez parler en français, tapez 1. Non, à Saint-Etienne, t'as pas trop d'hôtel de luxe. Ouais. Non, mais il y a bien à voir un quand même qui dépasse les 4 étoiles. Sinon, c'est du camping. Allô? Après. Allô? Viva Portugal. Si vous souhaitez parler en français, tapez 1. Non, pas en portugais. Allô? Votre appel concerne une réservation individuelle. C'est vrai qu'il est content, lui, il a pu sonner le bouton. Bon, non, plus. Une réservation de groupe de plus de 5 chambres. Pour effectuer une nouvelle réservation, tapez 1. Non mais Cédric, on va pas faire 10 réservations. Dans le cadre de notre politique de qualité, cet appel peut être enregistré. Oui. Alors? Viva Portugal! Ah. Hop là, je me transforme en mère de Cristiano, vous allez voir. Tous nos représentants sont actuellement occupés. Ah, ça, ils veulent plus répondre. Veuillez patienter en attendant le prochain représentant. C'est vrai qu'il appuie sur les boutons, ça t'amuse beaucoup. Oui. Et pas sur les boutons du visage, ça va exploser. Voilà, vas-y, j'appuie sur un bouton. Il est content, il s'amuse. Ah, c'est un débile. Il a le sourire, il est heureux. C'est un débile, je vous le dis. Mais rappelle plutôt, Cédric, au lieu d'appuyer sur les boutons. Mais je rappelle. Ah, tu rappelles. Oh, j'aurais bien aimé avoir Cristiano dans sa salle dans sa salle d'entraînement peut-être. Non mais je crois qu'elle décroche plus, on va sur la centrale. Dans le petit sur s'ils prennent le petit déj. Bah oui. Eh oui. Et si on a des clients alors, on fait comment? Bonne question, Carriole. Franchement. Mais, on n'arrive pas à les joindre. Non mais carrément, laisse tomber, je t'invite pas au week-end à l'hôtel Mercure de Saint-Etienne. De Saint-Etienne, si. Merci de votre patience. Ah bah, vous pouvez nous remercier. Les représentants sont ils sont tous occupés. Encore. Veuillez continuer à patienter. Oui, Aloche, bonjour, je suis la maman de Christian Aloche. Eh oui, on est tellement écoutés à Saint-Etienne que vous le voyez. Vous le voyez, malheureusement, nous avons été démasqués malgré mon masque. Ah, trop de succès. Bonjour, bonjour, maman. Bonjour, oui. Voilà, elle a fait une pub, la maman de Cristiano, pour des bananes. Ah ouais? Ouais. Vous avez pas vu? Non. On va vous les mettre sur les réseaux. On peut la mettre. Ouais, on peut la mettre. Allez, on va la mettre sur tous les réseaux de Skyrock. Le Facebook, Skyrock FM, le difool.skyrock.com. Vous allez mater tout ça. Allez, on vous la met avant 9h du matin. On était dans l'hôtel de Cristiano. Bon, on était près de lui, on va dire ça. Oui. Voilà, dans, oui. Dans un instant, il arrive vraiment. C'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna arrive pour réveiller les Français. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un réveil de star avec Cyril Hanouna. Ouais. Un tout nouveau qui arrive. C'est juste après l'horoscope de l'amour. Dans moins d'une minute d'ailleurs, votre horoscope. Et le son de Florida aussi sur Sky My House. Salut, c'est Magali de Beauté Blog. Sephora. Aujourd'hui, pas de tuto, c'est de Sephora dont je vais vous parler. Vous rêvez d'un teint allé, mais sans vacances ni soleil? Là, tout de suite, coup de bol, le make-up bar Sephora, c'est des super pros à votre dispo pour vous donner bonne mine en 15 minutes chrono. En plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Non mais regardez-moi, j'ai pas l'air de revenir des îles. Sephora, au cœur de la beauté. Maquillage ciblé réalisé par les conseillères Sephora selon disponibilité. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Vos modalités sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant! Il est 8h51, l'horoscope de l'amour sur Skyrock avec un peu de retard, mais c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et juste après notre réveil de star, Cyril Hanouna s'occupe des Français ce matin pour les réveiller avec Skyrock. Et pour l'horoscope, on va démarrer par les cancers et les vierges, puissance amoureuse à zéro. Et oui, c'est un petit peu le bazar dans votre tête, un petit peu le bazar dans vos affaires de cœur. Bon, remettez de l'ordre aujourd'hui dans tout ça et vous vous sentirez un petit peu mieux après. Les cancers, les vierges, ce n'est qu'un nouveau départ dans votre vie amoureuse aujourd'hui, zéro. 1 sur 5, les scorpions et les taureaux, attention à ne pas blesser ceux que vous aimez avec vos critiques aujourd'hui. Réfléchissez avant de parler, il y a plusieurs façons de faire passer un message. Pour les taureaux et pour les scorpions, c'est 1 sur 5. Puissance amoureuse de 2 sur 5 pour les sagittaires et les poissons. Ça va pas assez vite pour vous, vous êtes un petit peu trop impatient et impatiente. Précipitez pas les choses, tout arrive à point, à qui sait attendre. C'est ça. Comment on dit? Bah, je vais attendre alors. En Bourgogne, tu vas attendre, oui. 3 sur 5, les capricornes et les verseaux. Vous êtes un petit peu dans votre coin aujourd'hui, vous êtes dans vos problèmes, mais ça va pas vous gêner plus que ça, puisque vous aurez de la chance dans tous les domaines amoureux. Les capricornes et les verseaux, un beau 3 malgré tout. 4 sur 5, les lions et les balances. Vous, c'est parfait, vous êtes bien dans votre peau, vous sentez bien, c'est une bonne journée pour dévoiler vos sentiments si vous êtes célibataire et si vous avez repéré quelqu'un, ou alors pour faire plaisir à votre chérie, hein. Dites-lui que vous l'aimez, les lions et les balances, c'est le jour ou jamais. 4 et 5 sur 5, les béliers et les gémeaux, c'est vous les meilleurs. Pour vous, en amour aujourd'hui, c'est la totale, du romantisme mais aussi des moments plus coquins. Vous allez vous éclater comme des bêtes, les béliers et les gémeaux. 5 sur 5. Allez, il est 8h53. Le morning de Difool en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et Florida juste avant Cyril Hanouna. Open up the champagne, pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in, and welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow down. We don't have to go wild. Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go wild. Welcome to my morning comes and you know that you wanna stay. Close the blinds, let's pretend that the time has changed. Keep our clothes on the floor, open up champagne. Let's continue tonight, come on, celebrate. That's how we do. stay. Welcome to my house, baby, take control. Another shot of vodka, you know what's in my glass. It's my house, just relax. Welcome to my house, baby, take control now. We can't even slow down. Hit the brakes, hit the brakes, we slow don't down. Have to go around. Cheers to this. Welcome to my house. My house. Et sur Skyrock Florida avec Welcome to my house, il est 8h56 et c'est l'heure du réveil de Star avec Cyril Hanouna, là tout de suite. Eh oui, on ne l'a pas oublié, hein, même si on est un petit peu à la bourre ce matin. Il est là, il est avec nous, Cyril. J'ai flippé. Ah non, on est là, on t'a pas mais oublié. T'inquiète Cyril. Pas, Cyril. Eh oui. Cyril Hanouna qui va donc réveiller la famille de... Tout à l'heure, il a réveillé Didier, la famille de Laurent sur ce coup. Hein. Ah, c'est Lolo. C'est Lolo. Vous, comment ça va? Ça va, Cyril. Moi, ça va bien, tranquille. Ça va, tranquille. Il est beau tout nu. Oh oui, je suis beau tout nu, il le sait, hein, Cyril. Hein, il est marrant. Voilà le réveil des familles. Cyril Hanouna qui réveille... j'ai dit qui? Laurent? Laurent, ouais, Lolo. C'est Lolo. Ouais. C'est Lolo. Le réveil de Star. Une star, une star, un appel. On écoute. J'espère qu'il va bien être reçu, Cyril. Cyril Hanouna chez Laurent ce matin sur Skyrock, juste avant vos places pour Rihanna d'ailleurs. Préparez-vous. Allô? Allô, allô? Oui? Qui est à l'appareil? C'est qui? C'est Cyril Hanouna! Cyril Hanouna? Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça va, mon chéri? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Mets-toi tout nu, je vais arriver! Mets-toi tout nu, je vais arriver, mais t'es pec ou quoi? Tu vas te masser. Hein? Je vous propose des situations, vous me dites si c'est bizarre ou pas bizarre. Oui! Coucher le premier soir, bizarre ou pas bizarre? Pas bizarre. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve érotique sur ma personne? Sur ta personne, que ça. Oui, c'est Cyril Hanouna. Qu'est-ce que tu dis, frérot? Allô, allô? Oui. T'aimes bien le couscous, toi? Ouais, j'adore. Tu le manges avec quoi? Avec la fourchette. Non, c'est vrai, Baba? Ouais. Baba Rome. Baba Rome ou Baba Cool? C'est toi le mec des Noras? Le mec des Noras? Non, ça va pas, toi. Non, c'est pas moi, non. Vous êtes sûr? Ah ben oui, je suis sûr, oui. J'adore ça, moi, je joue au scrap tout nu. Ça me permet de réfléchir. C'est bien, ouais, vas-y, profite-en. Ouais. Tiens, on m'appelle le mot compte triple. Ah oui, bonjour, mot compte triple. J'aime bien te faire chier. Ouais, moi, ça j'aime bien, mais jusqu'à un certain moment. Hein. Vous pourrez me fracasser la gueule, j'adore ça. C'est ouais, mais à travers le téléphone, c'est dur. T'as envie qu'on vienne tous chez toi? Non, j'ai pas envie, non. Bon, allez, ciao, ciao. Qu'est-ce qu'on est cons, on est collés, surtout qu'on peut nous voir. Bah oui. Bah oui, c'est un truc de fou, ça, Cyril Hanouna. C'est vrai que, bon, si toute l'équipe ne touche pas à mon poste, vient à la maison, ça fait du monde. Mais ça a mis quand même la famille en joie, ils étaient contents. Ah, ouais. Bah heureux comme tout. C'est vrai que soit Gilles Vernès qui passe son temps à gueuler. J'ai mal à ma France. Tu lui offres un truc à bouffer. J'ai mal à mon couscous. Ah, oui. Alors, c'est vrai que c'est pas super. De l'autre côté, t'as Jean-Michel Maire qui drague toutes les meufs de la maison, y compris ton chien. Ah non, mais lui, je pense que c'est même pas il drague, c'est qu'il monte sa bite. Allez, il monte sa bite à tout le monde. Il est comme ça, lui, il exhibe un peu. Non, à la limite, la famille de Laurent voulait bien recevoir Cyril Hanouna, mais pas toute l'équipe. Hein. Ouais, dommage. Bon, en tout cas, c'était bien. C'était le réveil de Star. Ouais. Matin, 6h10, 7h50 et 8h50. Et là, il est 8h59, c'est l'heure. L'heure de votre roulette, si vous voulez faire tourner. C'est maintenant 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Vous laissez vite, vite, vite vos numéros de téléphone. Vous laissez vite votre prénom. Et parmi vous tous et vous toutes, on en tire un ou une au sort pour aller voir Rihanna en concert. Pour aller voir Rihanna à Nice, ou alors à Lyon, ou alors à Paris, ou alors à Lille. Les grands stades de France sont à Rihanna. Et top inscription au 41-759. Et sur l'appli Skyrock, salut Fred du 77 qui nous dit: j'espère ne pas vous déranger. Mais non, vous ne nous dérangez pas, vous faites plaisir avec vos messages. J'espère que vous recevez bien mes messages. C'était pour vérifier, je te c'est le confirme. Bon, Fred, ça marche. Fred du 77, on reçoit bien tes messages. Les vôtres aussi, vous vous inscrivez. Et Riri est à vous pour les gros, gros concerts du mois de juillet. L'événement, un autre, c'est avec Skyrock, bien sûr. 9h.

c'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Oh, même jusqu'à 9h10. On est encore là pendant 5 minutes. Dernière ligne droite du morning. Profitez bien. Attention, attention. Ce soir, match de foot à suivre. On suivra les Portugais. On en a beaucoup parlé ce matin. Les Portugais de Cristiano Ronaldo contre l'Islande. Vas-y, ils sont mal, non, des joueurs islandais. Parce que moi, j'ai des copines islandaises. Elles ont des noms, mais c'est un truc. Je sais pas, elles étaient venues avec leur frère un été. Et le frère s'appelait Gundglusskefølgekjelvelde. Ah ouais. Ah, c'est un prénom sympa. Oui, c'était assez sympa. Donc on l'appelait. Machin, bidule. Viens voir, s'il vous plaît, ici. Non, les Islandais ont des noms. Ils sont marrants, les Islandais. C'est des bêtes. Des bêtes. Bah, ils sont grands. Ouais, c'est des baraques. Hein. Indestructibles. Les mecs sont capables de boire. Mais c'est imprononçable. Les filles aussi sont capables de boire, mais des tonnes et des tonnes de litrons. Carriole, tu seras même battu par eux, je t'assure. Je pense, oui. Ouais. Jan Arson. Ah bah voilà, je vous l'avais dit là. Sigurðsson, Gibrkulsson. Ça termine tout par son d'ailleurs. Ouais, son, ouais. Bikir, Bradarsson. Ça va être facile à commenter ce soir, dites donc là. Ah ouais. Oh, c'est Fingo Basque à la balle. Fingo Basque, le stuck. Gignik, bien, passer la balle. Il y a déjà Gunnarsson. T'as le temps de dire le nom, ils ont déjà passé la balle à 10 autres joueurs là. Donc ce soir, on suivra ce match de foot. Et puis demain, vous le savez, France-Albanie, deuxième match des Bleus. Ouais. Et demain, l'animal qui va venir pronostiquer le match avec nous, après l'animal de Carriole et de Romano, c'est la bébête de Karim. Eh oui, c'est ma bébête. Je savais pas que tu avais une poule. Eh oui, c'est ma petite poule. En plus, tu nous as expliqué qu'elle aimait bien se promener, donc elle va être contente de venir nous voir demain matin. Ah ouais, elle va être heureuse. Elle va faire sa petite sortie. Ouais, ouais, elle va faire sa petite crocrotte aussi. Elle va peut-être pondre un œuf pendant l'émission. Ouais, ouais, ouais, il y a des risques à pondre. Donc demain, je vous annonce l'arrivée de Côte-Côte, la poule. Côte-Côte vient avec nous pour pronostiquer le match des Bleus. J'espère qu'elle sera aussi bonne que Mehmet le chien. Ah bah, on verra la différence. Après Côte-Côte, la poule, Mehmet le chien. Après, elle Mehmet le chien, Côte-Côte, la poule. Et Cédric, est-ce que tu vas amener gratte-gratte ton morpion pour faire les pronostics, parce que si tout le monde amène des animaux, je sais que tu as des animaux de compagnie. C'est vrai que c'est une bête. Gratte-gratte le morpion. Non, mais désolé, j'ai pas de morpion. Ah là, il vient d'éternuer. Mais t'as vu ce qui est parti? Genre, un nuage. Tu sais, les brumisateurs qu'il y a sur les terrasses. Oui, c'est exactement ça. Il a sorti ça de son nez, de sa bouche. C'est horrible. Ah, mais j'ai vu un truc, j'étais de loin, j'ai vu un nuage. Il y a une inondation en dessous de sa chaise. Mais tu es le cousin de l'entraîneur allemand, toi. Ah non, du tout. C'est ton oncle. Non, ce n'est pas mon oncle. Non, t'es sûr. C'est pas ton oncle. Donc, Côte-Côte la poule, fais-tu un bel accueil à Côte-Côte la poule demain. Elle pronostiquera le match des Bleus. J'espère qu'elle sera aussi bonne que Mehmet le chien. Ouais, j'espère. Allez, Rémi, pour la suite. Rémi, c'est pour faire tourner la roulette. On vous offre Rihanna sur Skyrock toute la journée. Vous faites tourner la roulette avec nous. Et vous gagnez vos places pour Rihanna à Nice, à Lille, à Lyon ou à Paris. Bonjour, Rémi. Salut, Difool. Salut, Rémi. Salut, Rémi. T'es à Saint-Omer dans le 62. Ouais, c'est ça. Oh bah pour toi, ce sera des places pour Lille, le grand stade. Ouais, ça marche. Bon, faut gagner maintenant, hein. Ouais, faut gagner. Allez, on fait tourner, c'est parti, Rémi. 400 places de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Et ouais, vos places pour le concert de Rihanna, elles sont pour toi, Rémi. On lance la roulette. C'est parti. Est-ce que tu vas aller voir Rihanna? Est-ce que tu auras tes places? Mais oui. Deux places pour Rihanna, le concert Skyrock à Lille, il est pour toi. C'est super, merci Skyrock, merci l'équipe. Et bah bravo à toi. Et tout, continuez comme ça. Juste après l'Euro, bah le grand stade, il laisse la place, enfin les footballeurs laissent leur place à Rihanna et elle sera là avec Skyrock. Et toi aussi Rémi, c'est bien. Ah c'est super, merci beaucoup. Tu vas y aller. Rémi. Avec qui tu vas y aller? Avec ma copine. Et bah voilà, si elle nous écoute, elle doit être contente. Elle est, fan, bah voilà, elle est gâtée. Riri, Rihanna, gâtée, ouais. À Lille avec Sky et deux places pour toi Rémi, bravo. Merci. Félicitations. Je vous remercie beaucoup. Sans plus continuer comme ça, je vous écoute tous les matins, vous déchirez tous les gars. Et bien demain, tu accueilleras Côte-Côte la poule avec nous. Ouais, ça va. Salut Rémi, ciao. Salut, ciao. Salut à toi. Et une belle matinée qui s'achève, mais on se quitte jamais sans le zap du morning. Pour tous ceux qui n'auraient pas été là depuis 6 heures, qu'est-ce qui s'est passé ce matin dans le morning? Écoutez bien, à 9h09, le zap du morning sur Skyrock. Le zap du morning. Allô, José. Ah, c'est José. Oui. Eh, viva Portugal. Si, viva Portugal. Ah, oui. Portugal. Eh, dis voir, je travaille à l'hôtel là où a dormi Cristiano Ronaldo. Et j'ai récupéré les chaussettes de Cristiano Ronaldo. Il pue les pieds. Hein. Oh là bah, je te jure. Eh, je vais passer chez toi ce matin. T'as passé? Eh, je vais passer, on va boire un verre de Porto. Ah bon? Eh, viva Portugal et tu me prépares une morue. Voilà. Ah bon? T'en as déjà une, hein? Oui, c'est toi, Carrière. Ah oui, c'est moi. J'aime pas, moi. Viva Portugal! Viva Portugal! Eh bien, Joachim a encore fait des siennes. Après s'être senti le zizi, senti le cucu hier ou avant-hier ce week-end en direct à la télé, on a retrouvé des vidéos de lui. Alors, il mange des trucs et il se sent des choses. Alors, on a posé la question. T'as deux bonnes réponses possibles, Laetitia. Et ouais, en fait, c'est un gros bouffeur de crottes de nez. Donc oui, il mange ses crottes de nez, notre ami Joachim Leve. Il te permet de gagner tes places pour aller à l'Euro. Ouais, quart de finale. Bravo. À Marseille. Vous savez, pour les avoir parce que le tirage au sort ça a même pas marché. C'est pas vrai. Trop contente. Hein. Allez, on est en panne de batterie, on a plus de batterie, donc on a l'Écosse, on a tout ce qu'il faut. Il nous faut juste une autre voiture. On va leur demander un petit peu d'aide si ça marche. Moi, je m'en coupe une. D'Ivoire, on a un petit problème, on est tombé en panne de batterie là vers chez toi. Tiens, on a les pinces. Est-ce que tu pourras amener ta bagnole pour qu'on la redémarre? Ouais, d'accord, tu commences. Ah ben voilà, ben vas-y, on pousse la bagnole jusqu'à chez toi. T'avais raison, ça marche. Les Français sont gentils. On peut pas te prendre ta batterie, ça serait plus simple à la limite. Oui, bien sûr. Bah, et on va te prendre ta bagnole du coup. Ouais, direct. Ah bah, oui. Ah bah merci Michel. De rien. Salut Michel. Eh ah ben bah, voilà. Eh ah ben t'avais raison. Il ah, y a plus qu'à t'en couper une. Et... Ah oui, merde. Ah. Sortez le couteau. Alors, des chats dans le centre d'examen ou alors la faux magnifique de Romano de ce matin à Bordeaux, l'URSSAF qui s'autocontrôle et qui voit qu'il y a du travail au noir à l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Alors, Romano Info. Romano Info, carriole mytho. Eh bien, c'est gagné. C'est gagné. La télé Samsung, elle est pour toi. Ah ben merci toute l'équipe. Hein. Ah, c'est la femme d'Olivier. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Robo qui est avec moi ce matin. Vas-y, dis bonjour à la dame. Bonjour madame, je suis le robot. Ah, là, ça y est, il bande. Oh non. Elle est contente, là. Allô, madame, je dresse immédiatement ma queue mécanique. Hop là. Nous, c'est la radio, Fabrice. On est en direct à la radio dans toute la France et on t'a tiré au sort, Fabrice, pour gagner 1 500 € ce matin. Oui. Il faut répondre à une question. Je vais te poser une petite question. Si t'as la bonne réponse, tu gagnes 1 500 €. Non, ah. c'est pas vrai, c'est Skyrock. Ah, ça, je sais pas. J'ai pas encore posé la question. Il va falloir que je la pose maintenant officiellement. Eh oui. Quelle est ta radio préférée, Fabrice? Ah, c'est Skyrock. Mais t'as bien raison, c'est gagné, Fabrice. Ah, Fabrice. Ouais, Fabrice. Ah, j'y crois pas. Et s'il faut y croire, Fabrice. Fabrice à Amiens, t'as bien représenté Amiens et t'as gagné 1 500 €. 1 500 €, pas euros. Ouais. 1 500 €. C'est mieux. Vous répondez Skyrock quand on vous appelle et vous gagnez 1 500 € tous les matins sur Skyrock dans le morning. Bravo, Fabrice. Vos TV Samsung, la toute dernière à choper. Demain matin, soyez là, on jouera un faux mytho. On vous offrira vos places pour les huitièmes, les quarts, les demi ou la finale. On a aussi des places pour la finale de l'euro. À vous filer. Les meilleures places sont sur Skyrock. On remercie le Crédit Agricole d'ailleurs qui nous file les places et nous, on les fait gagner sur Sky. Il sera pour vous demain matin. Et puis, bah, écoutez, tous les rendez-vous habituels et les conseils pas chers, 100% de réussite ce matin, Romano. Ouais, une belle matinée encore. Vivement demain. Belle matinée. Demain matin, donc, Côte-Côte, la star du morning, ce sera la poule. La poule pronostiqueuse. On verra si elle pronostique aussi bien. Il y avait des poules, hein, pourquoi pas des poules? Bah oui, on va essayer en tout cas. Hein, Côte-Côte, la poule demain, une poule dans l'émission. Et puis ce soir, le match dont on a parlé ce matin, Cristiano Ronaldo sur le terrain avec Mulutkelutus Teke en face de lui, mais également Günther Felker. Ah, on te capte plus là. Non. Ah non, c'est le nom du joueur de l'Islande. Ben oui. J'ai appris à parler l'islandais. Également, qui joue également en avant-centre de l'Islande. Une équipe magnifique ce soir. Peut-être ça va être sympa pour les commentaires. Ah ouais, c'est clair. Soyez là, 21h dans la radio libre. Juste après le Planète Rap de Escrew avec Fredo. Nekfeu, Escrew. Et ben, ils seront là ce soir, Fred. Exact. Tout le monde sera là pour la sortie de l'album Destin Lié. Oui, Destin Lié, c'est vendredi. Vendredi dans les bacs. Et ouais. Et à découvrir sur Skyrock tout au long de la semaine. Escrew entre 20 et 21. Les escrocs, l'escroc, ce sera Romano qui sera là avec toute l'équipe de la Radio Libre dès 21h. Oui, on sera là. C'est bien un concept, le match. Hein. Ouais, Escrew, l'escroc. Ah, ça. Parfait. Entre 21h et minuit, la Radio Libre. Et puis évidemment, tout au long de la journée, le son de Skyrock. Et c'est toi qui t'en occupes, Fred, ce matin. Mais je suis prêt. Et toi, ça va mieux? J'ai oublié de te demander. Oh non. J'ai enlevé mon attel, mon machin du bras là que j'avais qui me tenait mon bras en écharpe. Et je dois le dire, la souffrance est toujours là. Hein. Je vous le dis, mais je l'oublie grâce à ça. Ça fait un moment quand même là, non? Ça fait un petit moment. Ça fait 15 jours que j'ai cette saloperie. 15 jours, ouais. Bah ouais, une tendinite. Vous imaginez, une tendinite qui me pourrit la vie pendant 15 jours. Heureusement que vous êtes là tous les matins et tous les soirs à me soutenir. Car je manque un peu de soutien dans l'équipe. Mais je vois ça, ouais. Ils sont ingrats. Ah bah écoute, Fred, on va te le filer en pension. Ah ouais. Franchement, tu vas vite nous le ramener. Pourquoi vous voulez mettre en pension chez Fred? Bah parce que pour qu'il supporte un peu. Mais moi, si tu viens avec tes copines islandaises, comment elle s'appelle déjà? Vlutke, voilà. Si tu viens avec, tu viens à la maison. Elle s'appelait, ça s'écrit Johanna, mais ça se prononce Johanna. Bizarre. Oui, c'est bizarre, c'est les Islandais, ils parlent pas comme nous. Non. Ils sont marrants, les Islandais. Vlutke, cool. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je veux souhaiter une bonne matinée avec Fred. Ah, ok. Vous le cueillez que Fred. Je suis prêt. Eh ben, c'est parti. Nous aussi, on est prêts. On revient tout à l'heure entre 21h et minuit. Tiens, les soirs, l'arrivée de Pamela aussi, on avait promis. Magnifique, ah oui, la Pamela, divine. Rattrapage, ouais. Ouais, rattrapage. On n'a pas eu le temps avec le match de vendredi de la retrouver. Elle débarque avec les pervers. Les meilleurs pervers de France. Ça promet ce soir, tiens. Sur Skyrock, à pas louper. Ouais. Bonne journée, profitez bien. Et Fredon, on démarre avec quoi ce matin? On démarre avec Drake et One Dance. Super. C'est parti. Et on y va. Oula, j'en ai fait sauter un bouton, merde. Eh ouais, mais c'est ça la folie du jeu. La folie. Le truc qui est giclé sur moi d'un seul coup. C'est vrai que quand il n'avait pas été en face de moi, j'aurais un truc qui gicle, je me suis dit. Non, c'est. Il va sauter de la console, le truc. T'es préservé, Fred. Bon, bah c'est parti, coup d'envoi. On y va, go. Ciao, à tout à l'heure et à demain matin entre 6 et 9 aussi. Hein. Ciao. À toutes. Ciao, c'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée, bienvenue à vous tous. Rap R&B en non-stop sur Skyrock. Et puis attention, guettez bien le 9-12 quand vous entendrez ce morceau. En intégralité, évidemment, le son de Vita et Jules, ça les dérange. Quand vous entendez ce morceau, un petit SMS 41759 et vous repartez avec 200 euros en bon d'achat à claquer sur le site showroomprivé.com. Je vous en parle tout à l'heure sur Skyrock, mais d'ici là, soyez vigilants. On écoute Drake, voici One Dance sur Skyrock, c'est parti. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Je me demande quel sera le souci de demain. J'essaie